écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. C'est moi qui ai décidé d'être baptisée, on ne m'a pas baptisée. Voilà. Et comme j'allais dans une école catholique, je ne sais pas si je l'ai fait par rapport à la foi ou parce que tous les autres le faisaient, mais j'ai voulu être baptisée, oui. Être catholique. J'ai été catholique, j'ai été beaucoup dans l'église, très voilà, dans la chorale et tout ça. Et puis après, bon, non, là, en Europe, c'est vrai que j'ai moins pratiqué, beaucoup moins pratiqué. Mais j'ai toujours eu, Dieu a toujours eu sa place dans ma vie. Elle était quelque, il était là, mais comme on dit qu'on a des problèmes, on pense à Dieu et qu'on n'en a pas, on l'oublie. Voilà. Mais je suis passée par des moments très durs il y a quelques années. Et là, je me suis mise à prier, évidemment. Mais bon, le bon Dieu, il est miséricord. S'il écoutait, s'il nous prenait tel qu'on était. Oh là là! Alors, bon, ça va. Depuis lors, c'est vrai que j'ai eu un moment où j'étais dans la pratique, c'était trop rituel. C'était pas assez de foi dans ce que je faisais. C'est comme si prier, c'était. Voilà. Et petit à petit, ça a changé, ça a diminué. Et je me confie plus à Dieu maintenant, je lui parle, je me remercie. Avant de me coucher, j'ai des petits moments. Je remercie pour ma journée, je me confie à lui, je confie mes enfants, tout ce qui est important pour moi. Et c'est vrai que je vais beaucoup mieux dans ma tête. Vraiment, je me suis dit, ça a été un bon. En fait, il faut des coups durs pour savoir des fois. Je pensais au fond, mais bon. Et après, il y a eu plein de changements dans ma vie par rapport à ça. Tu veux ça aussi? Non, jamais encore. Donc la question était au niveau de. Si on comprend bien, là maintenant, il y a deux questions. Baptême, prier et si possible, relation avec le Seigneur. Ça, non. Moi, j'aimerais qu'elle te parle de sa relation avec le Seigneur et de la perception qu'elle a de la prière et des attentes de Jésus. Et j'aimerais qu'elle parle d'elle comme ça. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, si elle a grandi dans la. Ce dont on a parlé hier et ce matin, que tu lui en parles. Le fait que tu dises d'abord, tu as modifié effectivement ton mode de prière. Quand tu vas à la plage, ce que tu fais, voilà, parce qu'on a parlé du baptême. En fait, tout ça. Comment tu penses, voilà, quelle est ta conception d'être en accord avec Dieu? Comment toi, tu perçois ta relation avec Dieu? Ce que tu fais, comment tu le fais, voilà. Déjà que tu lui expliques. Comme ça, je veux qu'il te le dise sous l'angle de la Bible. Là, on peut le faire maintenant, ça dépend de vous. C'est mieux, non? Quand vous êtes debout, et vous rentrez dans la chambre, c'est fini. Non, non, après là, c'est fini. J'ai beaucoup dormi. Dès que tu es parti, je me suis couché, j'ai dormi. Donc, je suis à l'aise. Je suis à l'aise là. Donc, ceci est prioritaire. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est en fait ce que je trouve que je connais pas bien ma Bible. Je lis des passages, j'ouvre la Bible. Au hasard. Au hasard. J'ouvre des fois, je prends au hasard. Sinon, il y a des psaumes qui m'interpellent. J'aime bien les psaumes. Je me vois bien dans les psaumes. Mais je ne connais pas bien. J'écoute un peu. Je suis dans plusieurs. C'est pas vraiment la lecture. C'est des passages qui font. C'est plein de groupes au Canada. Il y en a pas mal que j'ai reçus par mail, qui m'ont interpellé. Parce que je ne peux pas dire, je me sens pas catholique parce que je ne vais pas à la messe. Moi, je prie chez moi. J'ai essayé de faire le chapelet, je ne m'y retrouve pas. C'est ce que j'ai dit, j'étais dans un côté classique de la religion. Je n'ai plus de... Mes cours de catéchisme, j'ai oublié. Donc vous avez perdu les facultés de la religion. Voilà. Et même l'aptitude et le réflexe. Voilà. Et là maintenant, vous pataugez des parts et d'autres pour essayer de concocter. Voilà. C'est ça. Je n'ai pas de base. Tu vois, mais j'essaye d'être meilleure. Par contre, tous les jours, j'essaye d'être meilleure dans mon comportement, dans mes choix, dans ce que je dis, ce que je fais. J'essaye d'être... J'essaye de me parfaire au mieux de moi-même. Ouais. J'essaye de me parfaire. Parce que bon, voilà. Mais après, je pense pas que j'ai une... Comme je disais à Mimi, j'ai un mot, j'ai la façon dont je l'ai dit. En fait, je suis pas curieuse, mais je suis attirée par la spiritualité. Je suis aspirée, vraiment. Ça m'intéresse. Je sais pas par quel bout le prendre. Mais je sais que j'ai une mission. Je sais que j'ai quelque chose à faire. Et j'ai l'impression que, c'est, par exemple, quand je vais à la plage, je vais à la mer. J'aime bien aller à la mer tous les dimanches, dès que je vais à la mer. Mais quand je rentre dans la mer, c'est comme si quelque chose me disait de me purifier. Je ne peux pas rentrer dans la mer sans faire un signe de croix. Et je me lave, je me jette de l'eau et je me dis, Seigneur Dieu, purifie-moi, rends-moi propre. Tu vois, je demande à renaître J'ai l'impression que j'ai envie que tout mon passé soit derrière moi et j'ai envie de redevenir une nouvelle personne. Voilà. Comme si je me sentais... poussée dans cette direction. Voilà, c'est pour elle. Mais sauf que vous n'aviez pas quelqu'un pour vous guider. Voilà, j'ai bien. Ouais, ça, c'est parti. Tiens, après toi, tu vas chercher. Discute avec Mimi, Nous allons nous prêter volontiers à ces jeux-là. Donc, nous sommes à votre service. Je vais répondre à toutes vos questions. Mais il faut qu'on se fixe des bases. Parce que s'il y a quatre personnes qui viennent vous rendre visite et qui vous parlent de Dieu sans base, vous allez devoir faire des choix de part et d'autre. Il faut qu'on s'entende d'abord sur un fait. Dieu s'est révélé. Il nous a donné un livre. Le livre, c'est la Bible. Ça suppose que si nous parlons de Dieu, il faut qu'on parle selon la Bible. Pour que nous sachions au moins que si je vais et que quelqu'un d'autre vient vous parler, il va falloir qu'il parle selon la Bible. Pour que vous ayez au moins une foi stable sur quelque chose. C'est ça. Parce que la foi au chapelet, ce n'est basé sur rien. Le chapelet, ce n'est basé sur rien. Il n'y a pas de principe par rapport au chapelet. Ce n'est que des dogmes. Mais au moins, nous savons tous que la parole de Dieu, la Bible, est stable. Et c'est Dieu lui-même qui a donné. Je suis donc sûr que si vous montre un passage de la Bible ou bien concernant vos situations, ce sera ce que Dieu demande par rapport à vous. Et donc, il faut qu'on se fixe des bases. Si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, on va avancer. Vous y croyez? Ben oui. Voilà. C'est vrai que nous allons demander à Dieu. Après cela, on va ouvrir les Bibles si vous n'êtes pas fatigué. Bon, moi non. Pas du tout. On va poser la question à Dieu, les exigences. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Et c'est la Bible qui va répondre. Vous allez maintenant voir que la Bible, en réalité, c'est une constitution, c'est constitué des pièces de puzzle, un peu comme cette maison. Votre maison est belle. Il y a la climatisation, le ventilateur, chaque chose a son rôle. L'ampoule, le plafond, tout. La table, tout est en harmonie. C'est ainsi la Bible. En fait, quand vous ouvrez la Bible sans savoir pourquoi il est donné, vous allez remarquer que c'est un fourre-tout. Vous ne savez pas par où commencer. Exactement. Voilà. Mais maintenant, pour laver cette pièce-ci, si vous vous basez en disant ouf, c'est très vaste. Il faut quand même commencer quelque part. Quand vous commencez quelque part, vous finissez par finir. En fin de compte, vous voyez effectivement que vous avez pu parcourir la maison. Donc avec la Bible, c'est la même façon. Dieu a enfoui des choses comme ça. Mais lorsque vous commencez à lire et vous tombez amoureux véritablement de Dieu, vous voyez que tout est en harmonie. C'est ce que nous allons découvrir ces jours-ci. Nous allons travailler dans la Bible. Et avant qu'il n'ait pas, je suis sûr et certain que la spiritualité avec le Seigneur se sera reconnectée. À condition que vous aimez la Bible. C'est la Bible seulement et rien d'autre. Donc, s'il y a eu des dogmes, des pensées humaines, des croyances qui n'ont pas été dans la Bible, il va falloir que vous oubliez ça à partir de ce moment-là. Voilà. Et donc, on va se prêter au jeu des questions-réponses. Plus vous aurez des questions, plus nous allons nous en servir avec la Bible pour vérifier si les choses auxquelles vous avez cru au préalable sont conformes à la Bible. C'est ça le problème. Parce que si la foi est censée être basée sur quelque chose de stable, de sûr, c'est la foi, c'est dans l'invisible. Mais au moins, pour ancrer ta foi dans l'invisible, il faut que ça soit en un lieu sûr. Parce qu'il y a deux invisibles. l'invisible de Satan, l'invisible de Dieu. L'invisible de Dieu est manifesté dans notre air, ou mieux dans notre univers, par les Saintes Écritures. Les dogmes humains et les dogmes conçus par les religions sont basés, c'est pour Satan, c'est les appâts de Satan pour appréhender les gens. Donc ma foi est basée sur la Bible. Bon appétit. Bon, généralement, les catholiques, leur foi est basée sur la Bible, même s'ils ne la connaissent pas. Mmh. En fait, c'est ça le problème. Oui. Non, c'est, la foi est basée sur ce que Rome a décrit. Oui, d'accord. Enfin, Rome, oui, mais... non, la confiance, malheureusement, mmh, à Rome. Mais sous couvert, la personne pense sincèrement qu'en allant par là, elle cherche Dieu. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des gens sincères qui y vont croyant servir Dieu. C'est ça. Mais mmh, pourtant, là-bas, on les prescrit des rituels qui n'ont rien à voir justement avec la Bible. C'est ça le problème. J'ai des questions particulières, Anna. Posez donc toutes les questions. Est-ce que tu te poses des questions sur la façon dont tu pratiques? Par exemple, quand tu vas à l'église, est-ce que tu es convaincu de ce que tu fais? Si oui, enfin, c'est des questions. Hein. Elle vient de la messe, elle allait à l'église. Ah, c'est dimanche, je le dis. Même le personnel de la maison est catholique. Tout à l'heure, elle m'a dit, si je savais que vous veniez tard, je serais allée à l'église. J'ai dit, vous tombez bien parce que les gens qui sont là, ils parlent de la Bible. Comme ça, vous allez pouvoir parler, rattraper. Où est-ce qu'elle est bonne? Avant, j'allais à l'église, mais à un moment donné, je n'allais plus. Parce que quand je rentre, les femmes commencent à chanter. Ça me donnait la chair de poule et les larmes de poule. Donc j'ai refusé, j'ai fui ça. Mais depuis quelques temps, c'est bon, j'ai recommencé. La dernière fois que je suis partie, c'est vrai, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu des larmes, mais je suis restée calme. En fait, c'est parce que ça te touche. Voilà. Tu y vas pour quoi à l'église? Bonne question. Très bonne question. J'y vais déjà pour m'en visiter. Voilà. Pour parler de la bonne nouvelle. C'est comme ça que tu te purifies. Par quoi tu te purifies? Quand tu considères que tu te purifies, comment tu te purifies? Qu'est-ce qui te donne le sentiment que tu es pur de sortir? Parce que là, la maman va, elle va dans la mer pour se purifier. Ouais. Toi, tu vas à l'église, tu veux te purifier. Ouais. Donc, là, il faut qu'on regarde le mécanisme de purification. Voilà, à quoi ça correspond? À l'église, c'est purifié, je veux dire. Voilà là où le bas blesse. Et la Bible, en fait, et la Bible alors? Tu as une Bible? J'en ai deux. Deux? Moi j'en ai quatre ou cinq. Ah, c'est alors en fait c'est de ça qu'on allait parler. C'était de la Bible. Moi c'est le problème de la Bible. Oui. C'est que je me suis rendu compte que je voulais lire un passage des Sceaux. Et je suis tombée sur trois. Je me suis rendue, je cherchais une Bible, j'essaye de lire, je suis très petit, en plus je ne vois rien. Je mets mes loupes, je lis, je prends une autre par hasard en me disant, mais ça c'est quelle Bible? Je reprends parce que je me suis retrouvée chez moi, il y a plein de Bibles, je ne sais pas d'où elles viennent. On m'offre tout le temps des Bibles. La dernière fois à l'hôtel, on m'a offert une Bible d'un client qui l'a oubliée. Et bon, j'aime pas que ça soit jeté à l'abandon. Oui. Je préfère le prendre parce que je suis catholique. Je préfère qu'il soit entre mes mains que voilà. Je l'ai pris, mais je ne sais même plus quelle Bible c'est. Mais je disais à Mimi, j'ai voulu lire un passage et j'ai ouvert plusieurs Bibles. Oui. Pourquoi je l'ai fait, je ne sais pas. Et j'ai vu que c'était interprété différemment. Différemment. Et c'est là que j'ai amené. Pour finir, je savais de laquelle est la. Vous les avez ici. J'ai oublié de l'amener. J'ai dit à Mimi, je vais lui amener pour qu'il me dise. Et après, j'ai trouvé maintenant le système, le téléphone. Et j'ai vu, c'était lui ce mot. Oui. Et c'est là que j'ai pu, c'est gros. Et là, c'est plus facile. Et c'est plus facile et les termes sont plus compréhensibles. Je comprends mieux. Oui. Alors maintenant, ça veut dire qu'il ne reste qu'à lire alors. Oui. Maintenant, j'essaye de lire. En fait, moi, j'ai besoin qu'on me dise par où commencer. Quand prends la Bible, je ne sais pas par où. J'ai commencé à lire... C'était une très longue histoire, ça que je regarde, qui parlait, tu vois, j'ai pas. C'était. Non, c'est pas Jérémie, c'est. Ézéchiel ou bien Daniel? Non, c'est quel. On m'avait dit de le lire. C'est pas Genèse, non? Ah, non, c'est pas Genèse. Non, c'est. Ça part d'une histoire, je sais même plus comment il s'appelle, qui aimait beaucoup Dieu et que par contre, il perdait tout ce qu'il avait. C'est Ézéchiel. Genre. Hein? Non, non, ok, Job. Job, voilà. J'ai lu tout. Satan est venu réclamer qu'on le frappe, on l'a frappé, frapper ses enfants, frapper ses biens. Voilà. C'est intéressant, non? Ah oui. Et ça m'a. Et je pense que c'est à partir de là, j'ai tout lu. Mmh. Tous les jours, j'avais. En plus, c'était par mon téléphone. Mmh. Du coup, l'histoire, tous les jours, quand j'avais, je pouvais rentrer dedans. Mmh. Et c'était une continuité. C'était devenu comme je disais. Et j'ai bien. Et après, je me suis dit, mais. Par où je dois commencer? Je prends la Bible, bon, la Bible je ne peux pas, je ne vois rien. C'est trop petit et tout ça, je les ai. La Bible pour moi c'est comme si c'est sacré. Ça doit être dans la maison, dans ma chambre, j'ai ma Bible à côté de moi, je ne dors pas seule. Mais je ne peux pas la lire si je ne l'ai pas dans le téléphone. Je n'arrive pas à la lire à cause de la luminosité des écritures. Et qui sont petites. Qui sont trop petites et tout ça. J'ai amené ma Bible. Oui. Donc là, nous allons vraiment passer de bons moments alors. Nous allons passer de bons moments dans les Saintes Écritures. Mais tu as dit tu as deux Bibles. Dans les deux Bibles, là, tu as vu parler de la prière de Marie, bien la prosternation à Marie ou quoi que ce soit. Tu as vu ça? Tu n'es pas encore arrivé là-bas? Il n'y a pas. À coup sûr, tu ne trouveras pas. Ça n'existe pas. Marie n'existe pas dans la Bible. Non, pas que Marie n'existe pas. Marie existe. Tous ces rituels-là, ça n'existe pas. De toute façon, je veux vous montrer, Dieu merci, je ne sais pas, j'ai apporté un document d'où c'est venu. Vous allez voir noir et blanc avec des références. D'accord? Et même hors de ce document, si vous avez l'internet, vous pouvez taper là et regarder l'origine de cela. Vous voyez tout cela est sorti. Donc en réalité, ce qui nous intéresse ici, c'est vérifier si on est sur la bonne voie. Point. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se tromper. Parce que si vous trompez devant Dieu, il n'y aura pas d'acception. Mm-hmm. Dieu ne dira pas que non, elle ne connaissait pas. Non. Si vous buvez le poison là, vous n'êtes pas au courant que c'est le poison, ça va quand même vous tuer. Parce que c'est du poison. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'il faut vérifier. S'il y a une chose à vérifier, c'est la croyance. C'est d'accord? Quand on achète des choses au magasin, on regarde les dates de péremption. Mm-hmm. Si c'est périmé, on dit non. Alors, on va parler du foulard. On va se parler de cela. Ouais. Il n'y a pas de problème. Parce que ça a été mon premier. J'ai dit, on va parler du foulard. Ça a été le premier truc. Ça a été notre. Mimi et moi, ça a été quand elle m'avait un jour chez elle. Je te préviens. Moi, je t'ai dit, c'était pas toi que je dis ça. J'aime bien m'asseoir comme ça. Et puis les autres. Mais où est ta Bible à toi? Ma Bible est là. Elle n'a pas sa Bible. On l'a pas amenée là. Tu pourras lire toi, parce que toi, tu vas l'aider à ouvrir. Ok. Voilà. Bon, nous allons prier. Ça dépend, je ne sais pas ce qu'il va décider. Non, on peut lire. Ça, c'est pas la Bible. Le problème, c'est pas que je lise. Ce que j'ai au niveau dans la main, c'est pas la Bible. Ah, d'accord. Ceci, c'est une encyclopédie. C'est une encyclopédie. C'est l'histoire du christianisme. Donc, si besoin, par rapport à des faits historiques, on va s'y référer. D'accord. Donc, vous pouvez trouver ça. C'est l'histoire de la civilisation. C'est l'un des tomes. Normalement, c'est à peu près. Je crois qu'il y a plusieurs éditions. D'accord. Donc ça c'est tome. Vous voyez, c'est beaucoup là. Donc on raconte l'histoire du christianisme, ça c'est l'histoire de la civilisation, tome 12. On raconte depuis 1095 jusqu'à 1300 ce qui s'est passé avec l'église catholique. Ce sont des faits historiques qu'on ne peut pas dénier. Donc si besoin, on va y aller. Maintenant prions d'abord. Ouais. Tendre Père, merci pour cette maison qui nous accueille. Merci au Dieu de gloire pour cette population de Sali. Merci pour ce bon moment que tu nous as donné autour de la table. Et merci maintenant, Père, tu veux nous donner la nourriture qui convient à notre âme. Nous te rendons grâce, Père de gloire, et nous te recommandons toutes choses entre tes mains, afin que toi, sois seul, tu nous guides et nous conduis dans la vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer donc par les mises en garde de la Bible avant d'avancer. Dans la Bible que tu tiens entre les mains, il y a deux volets. L'ancien testament, elle arrive aussi. Oui, c'est mieux. Ils sont tous les deux chrétiens. Très bien. Et voilà. Il faut approcher, non? Tu m'entends? Quelle est ton fille? Ma place. Voilà, donc, je crois que chacun a la Bible dans le téléphone. Oui, on a sa Bible, c'est ce téléphone. Bible, c'est ce téléphone. Non. Oh. Les gens n'ont pas tendance à truc à avoir. Moi, j'ai dans le téléphone. C'est ce qu'on te dit? Ainsi, dans mon téléphone aussi. Tiens, ça dans ton téléphone alors. Prends la Bible. Donc, nous allons commencer dans le livre de Deutéronome. Ouvrez Deutéronome. Deutéronome. Donc, nous allons lire comme ça trois passages d'abord, et puis on va vérifier. Ce sont les mises en garde de la Bible. C'est l'Ancien Testament là. Là, tu comprends ce qu'il dit. Hein? Oui. Là, elle a posé la question. Est-ce que tu réponds à la question du foulard? Non, non, ce n'est pas pour le foulard. On va y revenir le foulard. Le foulard, c'est secondaire à rapport à toutes les interventions qu'elle a faites là-bas. Et tiens, Kaito, en fait, c'est que quand tu parles, j'aimerais bien le retraduire pour qu'elle comprenne ce que tu dis. Est-ce qu'elle elle comprend? Qui ne comprend pas? Non, elle comprend le français, mais pour comprendre le contexte. Okay. Et tiens, vous me tordez. Donc, ici, nous sommes là sur la vérification de la fondation de la foi. Donc, on veut vérifier la fondation de la foi pour voir si ce que nous sommes en train de faire est de la Bible. Et tiens, comprendre. Am lu tax ñuy jàng bib pour xam ndax ñun ñu ñuy def di dem église wala lu ñuy jëfale teg suñu aada est ce que ànd naak bib méngoo naak bib parce qu'en réalité le comprendre français vous va vous comprenez français vous pouvez parler directement. Voilà. Voici le problème. Le problème, c'est les Africains ont embrassé les religions. Et beaucoup de religions, la première des religions, donc, c'est l'église catholique. Et c'est elle qui est la première, justement. Elle est venue avec des choses que beaucoup de personnes ont cru accepter sans au préalable vérifier. Or, justement, l'Église catholique est censée parler de Dieu. Donc, le but maintenant, c'est de vérifier d'abord ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ce sera valable. Cette façon de faire, c'est valable pour toutes les religions. Okay. Puisque Dieu a donné sa parole. Si quelqu'un veut faire quelque chose, c'est selon sa parole. Donc, on va vérifier donc maintenant si la fondation de l'Église catholique est sûre. Si c'est solide, ou mieux encore, si elle est basée selon la Bible. C'est ça que nous allons faire maintenant. Maintenant, lisons donc d'abord ce que Dieu lui il a dit dans la Bible. Deutéronome chapitre 4. Chapitre 4. Oui, le verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Oui. Et vous n'en retrancherez rien. Oui. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel. Oui. Votre Dieu. Oui. Tel que je vous l'ai prescrit. Voilà. Donc, on voit effectivement que lorsque Dieu a fait ça, c'est dans l'Ancien Testament. Quand il a fait sortir le peuple juif de l'Égypte, il leur a dit clairement que tel qu'il a donné, c'est tel qu'on doit observer. On ne doit rien changer. Ajouter. Y ajouter, surtout. Y ajouter. Rien diminuer. Là, c'est au chapitre combien? C'est chapitre 4. C'était chapitre 2. Non, chapitre 4, verset 2. Oui, oui. Maintenant, avancez au verset, on va lire de verset 15 à 19. Il faut télécharger la Bible sur votre téléphone. 15 à 19. Chapitre 15. Oui. Oui. Oui, maman. Ah, non. Non, vas-y, lis, maman, lis. Ok, lis alors, lis pour que maman. On parle du chapitre 15. Non, pas au chapitre. Nous sommes dans le même chapitre. Ah, d'accord. Le chapitre 4, toujours. Toujours, ok. Verset 15 à 19. D'accord, le verset 15. Verset 15 à 19. Puisque vous n'avez. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla, du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous correspondiez. Non, que vous corrompiez. Ah oui, de peur que vous ne. Que vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles. La figure d'un homme ou d'une femme. Oui. Allons jusqu'au verset 19. Pourquoi vous lisez? Vous commencez à dire pourquoi? Parce qu'on a commencé par, dès le départ, il a dit, comme il a prescrit, on ne doit pas ajouter. On ne doit pas retrancher. Voilà. Et ici, il met en garde que le jour où il est apparu, parce que Dieu était venu sur la montagne, il n'a pas pris une forme pour qu'on dise, ok. Parce que s'il savait que c'était une forme, on devait filmer ou on devait dessiner. Il a fait exprès de venir dans le feu. On entendait la voix, mais on ne voyait pas la personne qui parlait. Il leur explique ici donc, voici le pourquoi je ne me suis pas présenté. En fait, quand vous allez entrer, donc faites attention. Et il parle ici de l'âme. Donc veillez attentivement sur votre âme. Ça veut dire que si quelqu'un ne fait pas ce qu'il fait, c'est son âme qui est en danger. Il dit donc, veillez attentivement sur votre âme, de peur que tournez vos secours, ne fassiez une figure d'un homme, d'une femme, de quoi de paix. C'est pas fini. Continuons. D'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal, qu'il soit sur la terre. La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Oui. La figure d'une bête qui rampe sur le sol. Oui. La figure d'un poisson qui vive dans les eaux, au-dessous de la terre. Oui. Veille sur ton âme. Une fois de plus. De peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence. Leur présence. Maintenant, si on lit ce verset sans interprétation, en s'orientant vers l'Église catholique qui est très chère pour vous, qu'est-ce que vous en dites? Chacun s'exprime pour sa part, en lisant seulement cela déjà. Ça veut dire, par exemple, vas-y. Non, je pense à la Vierge Marie. Voilà, c'est ça. Jésus, oui. qui est représenté sur la croix, oui. Ça reste une figure. Absolument. Les anges. Une image. Donc, maintenant, on va peser. Voici la Bible. Okay. La Bible dit interdiction de faire des images. L'Église catholique fait quoi? Il nous donne des images. Il nous représente. Et en plus, non seulement elle donne ces images, elle vous pousse à nous prosterner, à nous mettre à genoux devant ces images. Exode, ouvrons maintenant le livre d'Exode. Étienne, à qui vous voulez mes questions? Sentez-vous libre de poser les questions. Sentez-vous libre de poser toutes les questions. Exode. Donc il y a Genèse, après Exode. C'est Genèse que j'avais lu. Voilà, Genèse. Genèse, maintenant. Voilà, Exode maintenant. Exode, oui. Chapitre 20. Verset 1 à 4. Alors que Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui ne sont pas en haut dans les cieux. Oui. Qui ne sont pas en bas sur la terre. Non, qui sont en bas sur la terre. Là, il a d'abord dit qu'on n'ajoute rien. Toi, tu n'en ajoutais pas. Là, tu joues avec les mots. Hein? Exode chapitre 20. 20. Maman n'est pas encore là-bas. Chapitre 20, verset 1 à 5. C'est ça qu'on a dit. Alors, chapitre 4. Tu ne feras point d'image taillée. Oui. Ni de représentation quelconque. Oui. Des choses qui sont en haut dans les cieux, oui. Qui sont en bas sur la terre, oui. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Oui, je suis, et continuons. Tu ne te prosterneras point devant elle. C'est elle est mise pour les images dont on fait comme idole. C'est prosterner, ça veut dire qu'on fait des courbettes, mais on s'agenouille. Oui, continuons. Et tu ne les serviras point. Et justement, il y a des gens qui ont les statues de Marie. Moi, ils mettent des bougies à côté, ils mettent des choses, ils mettent des pigeons, d'autres mettent encore des fleurs. On dit tu ne les serviras pas. On ne servira point des images. Vous voyez cela? Continuons. Car Dieu dit, et tu ne les serviras point. Oui. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, oui. Je suis un Dieu jaloux. Par ce mot, Dieu veut dire à lui le culte exclusif. Exclusif, il ne partage pas. Donc, il n'y a pas d'explication en disant que je fais comme ça pour dire ça à Dieu. Parce que Dieu, lui, il a déjà tracé la façon dont de s'adresser à lui et la façon de le servir. Et donc, par conséquent, si quelqu'un veut faire n'importe quelle façon, si c'est déjà interdit, la personne est sous le coup de la réprimande. Par rapport à ces dieux-là, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc, maintenant, si vous posez la question, vous êtes tous catholiques, pas vrai? Est-ce que vous haïssez le Seigneur? Moi, non. Non. Tu ne hais pas le Seigneur? Non. Tu ne hais pas le Seigneur? Vous savez ce que ça veut dire haïr le Seigneur? D'après ce qu'il lui dit. Haïr le Seigneur, ça ne veut pas dire non, je le déteste, c'est pas ça. Non, c'est de faire ce qu'il ne veut pas. Voilà, c'est ça. C'est ça ce qu'il a dit ici. Exactement. Donc, ouais, quand vous lisez cela, non, tu peux être prédicatrice. Tu vois pas? Parce que là, tu as compris que dans le contexte, il dit qu'il punit ceux qui le haïssent. Parce qu'il sait, en faisant ça, ça montre tu vas contre lui. Voilà, contre lui. Par conséquent, tu le pousses à la jalousie. Donc, quelqu'un peut bien dire de ses propres lèvres, j'aime le Seigneur, mais dans les actions, il ne le fait pas. Il ne l'aime pas. Vous voyez? Ouvrons Jean chapitre 14 avant de revenir là, Jean. Donc, il faut que les fondations soient bien vérifiées. Et puis on va avancer. Je vais compléter en disant que tu vois, tu peux pratiquer parce que, et en pensant que tu le fais de bonne foi. Et si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas le savoir ce qui est vrai. Moi, là c'est bien parce qu'on en a parlé avec Mimi. On parle de religion souvent et depuis qu'elle fait les recherches, c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Bien que je ne les fasse pas, mais en échangeant avec elle. Et je lui ai dit, elle sait que le dernier cadeau que m'a offert mon père, c'est la Vierge Marie, parce qu'on est portugais de Fatima. Oui, oui, et ils sont pleins là-bas avec l'Amérique du Sud et tous les... Voilà, alors il me l'a offert un très grand. Et j'avais toujours promis, moi j'avais été à Fatima et j'avais fait une demande. J'étais jeune, je ne me rappelle pas. Et je me suis toujours sentie mal de ne plus me rappeler ce que j'avais promis. À la Vierge. Non, il faut dire merci au Seigneur parce que le Seigneur t'a enlevé ça de la tête. C'est ça. Voilà. Et il ne faut pas aussi en vouloir à ton papa. Parce que si ton papa avait été trompé, c'est tout naturel qu'il cherche une chose, la chose meilleure, qu'il pense être meilleure pour toi. Voilà. Alors du coup, je me sentais obligée, pas obligée, mais je ressentais le besoin d'allumer une bougie. Oui. Et je m'agenouillais devant la Vierge quand je priais. C'est là que tout à l'heure, je vous ai dit, c'était un rituel. Oui, c'est le rituel. Je vous ai dit c'est un rituel parce que je sentais que c'était un rituel. C'est ma foi. Je ne le faisais pas parce que... Oui. On ne s'est jamais vu. Hein. Mm-hmm. Je ne parle pas par rapport à autre chose. Je parle ce qui est au fond de moi. Je le faisais, mais je ne sentais pas le faire. Je ne sais pas l'expliquer, ce que j'ai dit à Mimi. Je ne sais pas pourquoi j'ai prié. Un jour, en parlant à Mimi, je le faisais, mais comme le chapelet, tout ça, je n'arrive pas à le faire. Et j'en parle à Mimi. Mimi m'a dit, tu n'as pas lu la Bible. Parce que si tu lisais vraiment la Bible, tu saurais que tu ne dois pas faire cette chose. Tu ne dois pas prier à genoux devant la Vierge. Et justement, on vient de tomber là-dessus. Effectivement. Mmh. Et depuis ce jour, je n'ai pas, parce que c'est un cadeau de mon père, je respecte la Vierge, mais je ne me suis plus jamais mise à genoux là-bas. Déjà, où se trouve la Vierge? Chez moi. Donc, quand il a quitté Jérusalem, il est venu chez toi? Non, la figure, je parle image. Mais quelqu'un qui se trouve en Inde, ça, la Vierge est noire. Y a-t-il deux Vierges? Au Portugal, elle est blanche. Blanche. On a des problèmes là, Ouais, c'est vrai. Au Brésil aussi, ou en couleur. Voilà. Oui, il y a la Vierge Miséricorde, elle est noire. La Vierge noire. Cette différente couleur de vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Nous allons voir ça dans les Bibles. Et de toute façon, les quelques passages que nous avons commencé à voir vous montrent clairement qu'il y a un problème. Ici, il n'est pas question d'aimer l'Église catholique parce que l'Église catholique ne vous sauvera pas. Ce n'est pas question d'aimer l'Église évangélique. Parce qu'il est question de Dieu ici. Il est question de votre âme, de votre salut avec Dieu. Celui qui accorde le salut, c'est Dieu. Et c'est lui qui donne ses instructions. Et ce sont ses instructions seules qu'on doit suivre. Moi, par exemple, mon père, ma mère ou quiconque ne peut pas me tromper au sujet de mon salut. Parce que si quel que tu sois mon père, quiconque, si je dis quelque chose qui est faux d'après la Bible, je ne prendrai pas cela. Parce que je sais que si j'y crois, mon âme est en Jésus. C'est pour ça que Dieu a dit tout à l'heure, prenez garde, veillez sur vos âmes. La seule personne qui peut sauver votre âme, c'est le Seigneur Jésus. Et en servant les idoles, ton âme est en danger. Il faut donc dire merci au Seigneur même d'avoir permis ces rencontres-ci pour qu'on explique dans les Saintes Écritures. Alors, 99%, sinon 100% des catholiques, ils restent parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Si le Saint-Esprit vient sur les catholiques, ils lisent la Bible, ils vont sortir de là-bas. Alors le pape aura deux alternatives. Soit dit, admettre que nous avons tort et chasser les idoles là-bas, ou bien se conformer encore avec ces idoles et les gens vont partir. Parce que si quelqu'un le sait, il va sortir. Moi, en parlant du pape, il y a un truc qui m'a dérangé parce que depuis que je suis petite, je faisais notre père. Et on sait tous, c'est la première prière qu'on apprend, notre Père, je vous salue Marie, et je confesse à Dieu, et je crois en Dieu. Et notre Père a été changé il y a, même pas un an? Oui, par le Pape. Par le Pape, ça a été changé. Ce qui n'est pas normal déjà. Moi, c'est quelque chose qui m'a choquée, parce que je me suis dit que pendant des années, j'ai prié et que j'ai dit des choses contraires. Et aujourd'hui, à 50 ans, on me dit que ce que j'ai fait depuis l'âge de 8 ans, là, c'est pas bon. Et je dois l'accepter comme ça et dire, les gens ont dit, c'est vrai que j'ai même oublié comment on le disait avant, comme quoi. Ne nous soumets pas à la tentation. Maintenant, on dit, ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est grave. Alors, donc, ceci confirme le postulat selon lequel l'Église catholique n'a pas de fondation biblique, mais elle est basée sur des fondements d'hommes dont les dogmes. Et les dogmes de l'Église catholique ne se discutent pas puisque c'est fait par des papes qui sont infaillibles, sont censés être infaillibles. Et par conséquent, au fil des siècles, depuis le premier pape jusqu'à celui-ci, ils ont à chaque fois modifié les doctrines catholiques, bien introduit ce qui est contraire à la Bible et ne pouvons plus sortir. C'est pour ça que nous allons, à l'issue de cela, nous allons nous poser deux questions. Que pense Dieu donc dans ces cas de l'Église catholique? C'est ça. La deuxième question dans laquelle nous allons répondre avant de sortir d'ici, c'est en réalité, que cache l'Église catholique? C'est ça. Ou mieux encore, qui sait-elle? fatidiquement, nous allons devoir voir une fois de plus les Saintes Écritures. N'aie pas peur, comment ça? Il faut avoir peur de comprendre la vérité. La Bible, Jésus a dit, c'est la vérité qui a franchi. La vérité, pas peur du tout la vérité a franchi. Jean 14, alors. Jean, ça c'est le Nouveau Testament cette fois-ci. On n'a pas dans la Bible. Amour, tu n'as pas la Bible. Donc parce qu'il faut qu'il vérifie. Amour, quoi. Il faudra le télécharger. Etienne, Mouné, l'oumi wahye, il faut que vous vérifiez que c'est une Bible. Parce que l'oumi wahye, il faut que vous vérifiez que c'est une Bible. Et moi, je ne sais pas si tout le monde est là. Je ne sais pas si c'est une Bible. Jean 14. Hein? Tu sais Jean 14. Pourquoi Jean 14 s'est mis en rouge? Non, c'est parce que selon les paroles de Jésus. Donc là, dans ton téléphone, tout ce qui est en rouge, c'est les paroles que Jésus lui-même a prononcées. Je viens de tomber dessus, ça je pose la question. Mm-hmm. Voilà. Et Dieu merci, le verset 20 va nous intéresser. Donc comme c'est en rouge, au moins tu sais que c'est Jésus qui parle. Mm-hmm. Et Jésus est l'objet de notre adoration, l'objet de notre amour, notre tendre rédempteur, notre sauveur. Verset 20, 21. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Est-ce qu'elle allait lire sa maman? Jean chapitre 14, verset 20. Tu veux que je te cherche ça? Jean 14, verset 20. 19. Non, verset 20 maintenant. Oui, continue ma soeur. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, oui, et que je suis en vous. Continue jusqu'au verset 24. Celui qui a mes commandements et qui les garde, oui, c'est celui qui m'aime. Donc, Jésus, qu'est-ce que Jésus dit? Que celui qui suit ses commandements, ce qu'il a c'est cette personne. Et qui les garde, oui, c'est celui-là que j'aime. Oui. Donc, ça veut dire que vous avez le commandement de Dieu dans la Bible, vous allez à la maison, vous gardez. Ça, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Récréer encore. Celui qui? Celui qui a mes commandements et qui les garde. Donc, ça, c'est moi. Si j'ai les commandements. Je les ai, mais je ne les ouvre pas. Celui-là. Donc, ça veut dire parce que pour avoir ces commandements, parce que il faut pouvoir le connaître. Il faut avoir le livre sans avoir le commandement. Ouais. Parce que si tant que je ne lis pas ce livre-ci, je ne sais pas de quoi il est question. Ce qui est dedans. Maintenant, ce qu'il a de dire là, c'est qu'il dit celui qui lit et garde mes commandements, c'est-à-dire qu'il vit selon mes commandements. Mm-hmm. Ce qu'il a de vouloir dire, c'est cette personne-là qui m'aime. Même. Oui, continuons. Et c'est celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Oui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc le Seigneur parle de la révélation. Autrement dit, plus tu lis la parole de Dieu, plus Dieu se révèle à toi pour montrer qui il est. C'est impossible que vous gardez la Bible de côté, vous ne voulez pas lire, vous allez prier Dieu que Dieu vienne. Ça, il ne viendra pas. Parce qu'il a donné la parole pour qu'on puisse connaître ses voix. La parole nous donne au premier niveau le discernement pour savoir ce qui se passe dehors. Dans notre entourage, ce que Dieu veut de nous, ce qu'il attend de nous, d'où nous sommes venus et d'où nous allons. C'est le but de la parole là-bas. Et donc, si vous déposez la parole, vous êtes vulnérable. En tout cas, dès qu'on dépose la parole, vous êtes dans le champ de Satan. La preuve, il inspire tout genre de religion, tout genre de rituels et tout genre de choses. Parce qu'on ne lit pas. Et la Bible déclare mon peuple périt en manque de connaissances. Et dans la connaissance, il est écrit là-bas. Quand c'est pas fini, il va maintenant dire le contraire de ces versets. J'ai fait 21, je vais sur 22 alors. Oui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu ne feras connaître à nous? Oui. Tu te feras connaître à nous. Et nous au monde. Et non au monde. Oui. C'est gros pour toi. Oui, Jésus va lui expliquer maintenant pourquoi il dit cela. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, oui, il gardera ma parole. Voilà la définition de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne veut pas dire, je sens l'amour de Dieu sur moi. Je sens qu'il m'a béni. Non, l'amour de Dieu, Jésus dit clairement que si quelqu'un aime, il gardera ce commandement. Mm-hmm. Alors maintenant, s'il demande à quelqu'un, as-tu déjà lu la Bible? Tu dis non. C'est-à-dire forcément, tu n'as jamais gardé le commandement de Jésus. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Il va faire un peu comme tu as dit tout à l'heure là, que tu essaies tant bien que mal de faire l'effort de faire le bien. Mais tu vas faire le bien selon toi, avec ton standard. Non, avec ma conscience. Avec ta conscience. Avec mon... Or, pourtant, en regardant les Saintes Écritures, peut-être, tu vas voir que le standard est plutôt élevé. Mm-hmm. Alors, à ton niveau, tu ne vois pas de mal. Mais mm-hmm. Dieu verra toujours du mal là-dedans. Mm-hmm. C'est pour cela qu'il faut consulter le manuel de Dieu pour savoir comment se conduire. En te conduisant, tu te conduis au standard du Seigneur. Mm-hmm. Autrement dit, lorsque nous agissons, ce n'est pas selon nous que nous devons nous juger. Mm-hmm. C'est selon Dieu, parce qu'il va nous juger selon la justice. Mm-hmm. Voilà. Allons-y, ma soeur. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Chez lui, oui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Voilà. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Voilà. Mais du Père qui m'a envoyé. Donc ça veut dire que, comme on lit dans la Bible là, actuellement, si vous refusez de garder, il n'y a pas deux façons. Vous allez trouver le courroux de Dieu au jour du jugement. On peut continuer. Allons dans le dernier livre de la Bible, là, Apocalypse. On va lire deux passages là-bas et on va maintenant planter le décor. Mmh. On pourra parler. Apocalypse, c'est le dernier livre. Le dernier. Oui. Ouvrons le chapitre 1 d'abord. Le verset 3. On m'a dit hier, Apocalypse chapitre 1, verset 3. Maman l'a trouvé. C'est bon là-bas. Chapitre 1. Voilà, voilà, c'est ça. Heureux, allons-y, ma chère. Révélation de Jésus. Non, ça c'est au verset 1. Verset 3. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Voilà. Donc, qui y gardent. Qui, qui voilà. Y sont écrites. Alors maintenant, il dit heureux ceux qui lisent. Ceux qui ont d'abord un, il faut d'abord qu'ils lisent la parole pour ensuite garder. Comprendre. La Bible déclare donc qu'ils sont heureux. Parce qu'il dit car le temps est proche. C'est ça, non? Ceux qui entendent. Vous voyez que ça veut dire que vous êtes dans le groupe de ceux qui entendent maintenant. Quand nous allons partir, vous allez lire maintenant, vous êtes toujours dans le groupe de ceux qui lisent, donc vous êtes heureux. Parce que là, il y a lire, entendre. Parce que ceux qui ne savent pas lire, on peut quand même les parler pour qu'ils entendent. Maintenant, le but, ce n'est pas de lire, le but, ce n'est pas d'entendre, c'est mettre à l'œuvre vis-à-vis de cela. De pratiquer ce qu'on a dit. Maintenant, allons dans le dernier chapitre maintenant. Dernier chapitre. C'est quelque chose que j'avais demandé, moi. Le 20 22. C'est 20. Bon, ça s'arrête à 20. Non, non, il faut compter 22. Pour les gens qui n'ont pas accès nécessairement, comme vous le savez ici, oui. À la 1, les gens ne savent pas lire, oui. Pour la majorité. Oui. 22. Tu ne disposes pas nécessairement de smartphone. Troisièmement, tu as peu de chances d'avoir dans notre environnement des gens qui connaissent la Bible. Qu'en est-il de? Non, c'est Dieu qui les a entre les mains. Parce que à l'heure où nous parlons, il y a des coins dans les villages qui n'ont même pas l'électricité. N'en parlons même pas de la Bible. Dieu les connaît. D'accord? Il y a deux cas de figure dans les Saintes Écritures, ceux qui pêchent avec la loi et ceux qui pêchent sans la loi. C'est-à-dire, par exemple, avant que nos grands-parents ne viennent, avant que la Bible ne vienne chez les grands-parents, nos grands-parents, d'autres vivaient sur les animistes, c'était les animistes. La Bible explique donc que ceux qui pêchent sans la loi sera condamné sans la loi. Parce que l'œuvre de la loi est écrite en nous. Ça, j'ai pas compris. L'œuvre de la loi est en nous. Oui, l'œuvre de la loi, ça veut dire qu'en réalité, si vous voulez savoir ce que Dieu veut, sans lire quelque chose, vous pouvez savoir. Parce que c'est inadmissible que quelqu'un prend un arbre. Après, il va prendre une partie pour faire la table, l'autre partie pour faire la chaise. Il fait une figure dans lui-même. Après, c'est prosterné derrière, alors que c'est lui-même qui a fabriqué Dieu. Ça n'a pas de sens. Il prend une peinture, il met là. Après, il prend une peinture, il met sur cette femme-là. Après, c'est prosterné là-bas, il dit comme c'est Marie. Et Marie n'est pas au courant de cela. Pourtant, c'est l'homme qui a fait. Cette chose que vous allez appeler Marie, c'est l'œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. C'est la personne qui fait les meubles. Les meubles qui le fait. Vous ne trouverez pas ça chez celui-là. Donc, il conçoit son Dieu selon l'image qu'il a. Il met, vous êtes là comme ça. Donc, ceci montre clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. C'est Dieu qui est censé faire un homme, pas le contraire. Donc, l'homme n'a pas le droit de fabriquer son Dieu. C'est vrai. Vous ne pourrez pas prendre, voir le monsieur qui a le Samson ici. Qui a fabriqué Samson. Venez se presser deux Samson pour faire comme ça. Parce que c'est lui qui a fabriqué Samson. C'est cette bêtise que l'homme fait donc. C'est vrai. Vous ne comprenez donc pas que on prend la. Et c'est ce que la Bible déclare dans Isaïe 49. Que l'homme ne rentre pas en lui-même. Qu'il a pris une partie du bois pour faire du feu pour préparer. Une autre partie pour faire du lit et des planches. Et une autre partie. Il fait le Dieu. Et il porte pour. Bon. Marie là que tu as là, s'il pleut ici là maintenant, si c'est un endroit où il pleut, tu vas le porter là-bas pour garder. Pour qu'il ne pleut pas là-dessus. S'il y a le soleil, tu vas enlever du soleil. Alors que c'est Dieu qui est censé te protéger. Mais c'est toi qui protèges ta déesse. On a des problèmes. Donc le simple bon sens voudrait que tu portes ça, tu mets dehors, on y met du feu. Quand on va mettre du feu, ça va te faire mal, mais tu seras libre. Ton âme sera libérée. D'accord? Chapitre 22 d'Apocalypse. De quoi? De ma vierge? Oui, de ta vierge. Ah, elle ne va pas brûler, elle est en terre cuite, on va la casser, ça va aller plus vite. On va casser, on va piétiner. Et c'est toi-même qui vas faire en disant, Seigneur, je te demande pardon d'avoir fait ces bêtises. Non, moi, je n'ai pas fait une bêtise parce qu'on me l'a offert. Oui, ce n'est pas comme si j'ai acheté. Oui. Je n'aurais pas pu le refuser de mon père. En fait, quand on va tout aller dans la Bible, on va voir que ceux qui servent la Vierge sont étape par étape. Il y a des gens qui ramassent du sable, d'autres qui pétrissent le gâteau, d'autres qui font des libations, d'autres qui mettent la peinture et d'autres qui vendent. Tout cela sont dans l'industrie appelée l'industrie de l'idolâtrie. Chacun est coupable. C'est dans la Bible que ça se trouve. Apocalypse chapitre 22, donc versets 18 et 19. Vous devez faire télé sur le gamin. Claire. 18. Oui, versets 18 et 19. Oui. Qui image il est, ouais. Ah, image. Vierge Marie. Il dit que. Vierge Marie. Pour qu'elle te digne. Pour qu'elle garde. Donc, elle est comme elle. Ni qu'elle est définie. Il pêche vis-à-vis de Dieu. Il y a l'âme de l'homme de pareil. C'est le péché. En tout cas, même les deux premiers passages que nous avons lus ici aujourd'hui, en s'arrêtant seulement là-bas, vous voyez que c'est le péché. Je me viens de tout là. Demain, prière, après mon doudou, sous mes guillemets, ma dieu a bougé aussi, t'es confus, voilà ma qui. Mais la mousson n'a des guillemets. Ah, mais la Vierge Marie. Elle dit quoi? Je lui demande si elle prie la Vierge. Je lui dis que c'est ce qu'elle fait quand elle rentre à l'église en premier. Mais elle a déjà entendu que le fait de prier la Vierge Marie n'est pas. C'est pas conforme à la Bible. Voilà. Ça, c'est pas terrible. Obligation. C'est pas obligation. C'est pas bien entendu. Quelqu'un dit que c'est pas obligation. Elle veut dire que c'est pas, on n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Voilà. En tout cas, disons plutôt que même pas que ce n'est pas obligé. Si vous voulez servir Dieu, la prière doit être adressée seulement à Dieu. C'est une exclusivité. Donc, tenter de passer par une parole. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin. S'il avait dit je suis un chemin, ça veut dire que c'est un autre moyen. Il y en a d'autres. Il est unique. Il dit nul ne va au Père que par moi. Ça montre clairement que le sujet devait être clos. Et la Bible déclare à 1 Timothée 2, verset 5, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a pas sa maman. Sa maman n'est pas co-rédemptrice, n'est pas co-advocat, c'est la source de la catholique. Verset 18 et 19, ma soeur. Elle y a ma mère. Toi, tu as mélangé les gens ici. Oui. On est obligé de dire la vérité. Non, je suis d'accord. Mais je me dis, elle est la maman de Jésus quand même. Absolument. On est d'accord. Absolument. Là, les Écritures sont 100% d'accord avec toi. Continuons. En dehors d'être la maman. Moi, aujourd'hui, quand j'ai décidé de ne plus allumer une bougie et de plus me prosterner à son image, je me suis dit... J'ai du mal à la sortir puisque ça a été quelque chose de mon père, mais je ne le fais plus. Mais je la regarde en me disant c'est la maman de Jésus. Mais est-ce que tu veux laisser une image de l'éternel? Si tu vas à l'hôtel, dans un hôtel là au Brésil, et que quelqu'un d'autre passe avec la maman de Jésus noire, tu as ta maman de Jésus blanche, vous mettez ça à côté. Laquelle est la maman de Jésus? Laquelle? Oui, laquelle parmi les deux? Jésus m'avait l'air clair. Parce que là-bas, au Brésil, les vierges. La Vierge noire. On l'appelle la Madone noire. La Madone noire, c'est la Vierge noire. Est-ce que Jésus a eu plusieurs moments? Non, c'est pas possible. Ok. Donc, là, comme j'ai dit, il y a deux questions qu'on va répondre à la suite de ceci, d'accord? On va répondre. Versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la. C'est ça? Oui, c'est ça. De la prophétie, de ce livre. Oui. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. C'est terrible. Ça fait peur des. Oui, il faut qu'on fasse peur, pour qu'on revienne à l'ordre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, deux choses l'une. Si tu ajoutes, on te frappe, tu retranches, on te punit. Tu veux quoi? Donc, ça veut dire qu'en clair, ce que nous avons lu dans le nom aujourd'hui, qu'on doit faire tel que c'est écrit, au sorti de la Bible, on a encore dit la même chose. Qu'est-ce qu'on veut? On continue? Bien sûr. Voilà, donc on continue maintenant pour comprendre que désormais, on va pratiquer la Bible tel que c'est écrit. Ouais. Voilà. Maintenant, on va avancer maintenant dans un cran. Ok. Qui est Marie? Le mari de la Bible, d'abord. Qui est-ce qu'elle est? Qui elle est? Oui. La maman de Jésus? En dehors de cela, celle que Dieu a élue pour être la maman de Jésus. Exactement. Est-ce que ça fait d'elle désormais une divinité? Non. Dans ce cas, pourquoi on la considère-t-elle comme telle? Moi, du moment déjà qu'elle a eu d'autres enfants, si oui. elle s'était arrêtée à Jésus encore. Oui. Mais dès qu'elle a eu d'autres enfants, elle s'est mariée. C'est quand tu dis la liste catholique dit qu'elle n'a pas eu d'enfants. Peut-être que tu ne savais pas. Ah, ça, je ne savais pas. Parce qu'on dit que vierge, toujours vierge. C'est la doctrine dont. De l'Assomption. Elle n'est pas vierge puisqu'elle a eu d'autres enfants. Voilà, mais l'Église. Elle a été vierge au moment où elle était enceinte, mais après, quand elle a accouché, elle n'était plus vierge. Oui, mais l'Église catholique enseigne qu'elle est restée toujours vierge, elle n'a pas eu d'enfants. C'est la doctrine de l'Église catholique, ça. Mm-hmm. C'est pour cela qu'on parle de l'Immaculée Conception mm-hmm. et aussi on parle de la doctrine d'Assomption, que par un acte souverain, Dieu l'a enlevée sans passer par la mort parce qu'elle n'avait pas de péché. Et la Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La doctrine catholique contredit directement les Saintes Écritures. C'est terrible, pas vrai? Alors, donc, maintenant, je pose la question. Est-ce que le fait que le Seigneur soit venu par Marie fait d'elle une supra-femme? Une femme à qui on doit vouer un culte? Arrête la radio là-bas, ma chère. Donc, est-ce que c'est normal? Non. Voilà. Maintenant, la prochaine fois que Jésus viendra, il va venir sur les chevaux. Qu'est-ce qu'on va faire des chevaux alors? De? Il dit, n'est-ce pas, la première fois qu'il est venu, il est né au travers d'une femme. Les gens ont commencé à adorer la femme. La prochaine fois, il ne passera pas par une femme. Il montera sur les chevaux. Qu'est-ce qu'on va faire dans les chevaux? Même Jésus, quand il est venu la première fois, il est venu par la Vierge Marie. Mm-hmm. D'accord? Quand il reviendra sur terre, ça sera sur des chevaux. Un exemple, peut-être ça pourrait être. Oui, non, la Bible dit que c'est sur les chevaux. Ah bon? Il viendra sur les chevaux. Tout ça est clair. Même, vous faites qu'il y a le. Jésus n'y est métier via Sainte Vierge. Nous qui adoré Sainte Vierge. Vous n'y êtes pas. Non, l'Église catholique en ce moment n'a pas fait maintenant le truc pour les chevaux. Où vont maintenant mettre les grosses chevaux maintenant devant les églises? Mais ne faut pas voir pourquoi il prend cette formule? Ouais. C'est parce que les gens se disent c'est parce que c'est quand même la main du Seigneur. Oui, donc elle, il est venu au monde au travers de lui. Il n'y a pas de problème. La prochaine fois il viendra puis dans ce monde c'est au travers d'une femme. Mm-hmm. C'est sur les chevaux. Qu'est-ce que vous allez faire comment maintenant? On va commencer à adorer les chevaux maintenant. C'est ça? On a des problèmes. Qui d'autre dort tes cheveux? C'est ça? Elle dit comment? Elle dit quoi? On va faire. Elle dit que personne ne frappera plus, parce que si on frappe les cheveux, on va en faire des meubles. Justement, voilà. Ils vont maintenant fabriquer les cheveux maintenant même. Alors? Comme on a dans les vaches. Les vaches. Donc vous voyez effectivement que l'homme a déraisonné. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a fait beaucoup de choses dans la Bible. Aujourd'hui, les catholiques font autre chose. Il a prescrit des choses, on fait autre chose. Maintenant, respirez d'abord bien, parce qu'on va toucher maintenant une autre chose. Maintenant. Vous respirez bien, vous êtes clair. Alors, Marie, que vous célébrez à l'escatologie, n'est pas la mère de Jésus, mais c'est un démon. C'est ce que la Bible enseigne. Oui, c'est ce qu'il dit. La Marie, que vous voyez. Vous avez, c'est là maintenant, il va toucher l'os maintenant. On va d'abord lire dans la Bible qui elle est. D'accord? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Alors, souvenez-vous de ceci. Marie, comme vous entendez Marie, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est un nom. Oui, c'est Marie, mère de Jésus. La Bible dit comme ça. Mais ce que l'Église catholique enseigne, la personne qu'on appelle en réalité derrière n'est pas la Vierge Marie. C'est une divinité qui était servie déjà sur la terre longtemps avant Marie elle-même. Mm-hmm. C'est ce que la Bible enseigne. Comprenez. Nène, Marie, Bignignan, fille Église catholique, Bignignan, d'un coup d'un Julie avant. Ben divinité connu dans Nyan, Yann le connu dans Nyan, la tamit avant l'Église catholique. Ben le monde le Nyan, t'es Nyan Hamouniko. Vous avez le monde que bien de Tibi, le monde le Nyan Bugger, t'as fait une explication. N'ayez pas peur, on va voir ça dans les Bibles, vous allez voir maintenant que vous êtes mal barré. Alors, vous avez la connexion internet. Plus. Non, vous voulez que quelqu'un soit connecté. Vous avez la connexion internet dans votre téléphone. Il y a une coupure. Coupure. Oh, je voulais que vous téléchargez quelque chose, je vous donne un cantique qu'on chante à l'Église catholique. Vous-même, vous lisez. Et puis, on va dans la Bible. Tu as Internet? Oui. Moi, j'ai la 3G, je vais chercher. Oui, il faut chercher. Parce qu'il faut, quand il dit comme ça, il faut que je vous montre. Oui. Vous allez lire. C'est sur Internet, vous allez trouver déjà. Bon, d'abord. Donc, ouvrez déjà le livre des Actes des Apôtres. Donc, voilà comment des millions de personnes servent l'idolâtrie. En fait, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Quand la Bible était en train d'être écrite, cette femme-là était déjà là. Les gens l'adoraient. on a seulement donné le nom de Nan à Marie, le nom de Marie pour le faire, parce que Marie n'accepterait pas qu'on l'adore. Puisque sur la terre, personne ne lui rendait service, ne faisait ce culte idolatrique là. Même quand elle a demandé à Jésus de transformer l'eau en vin, Jésus lui a demandé que femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pas vrai? Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est quoi? Tu y es maintenant? Voilà. Vas-y. Va sur Google. Ouais. Tu tapes Regina Cheli. Tu connais? Non. Regina. La majorité des catholiques ne connaissent pas cela. C'est Kaeli. Kaeli. Quand on va taper, ça va corriger. Regina. Tapez Regina. Regina Kaeli. Tapez C-A-E. Voilà. La prière, c'est ça? C'est ça. La prière mariale. Oui. Mmh. Oh, mais ça non, moi c'est un cantique. C'est le cantique. Regina Cheli. Tu as trouvé. Moi, t'as je vu? Sais que c'est ça, non? C'est... T'as un peu voir. Oui. L'ancienne, voilà, il y a l'ancienne Regina Cheli en latin. Ça oh mon Dieu, c'est terrible. Non. C'est. Tape n'importe comment Cheli, ça va sortir. C'est eux. Écoutez bien. Voici donc ça. Vous êtes, nous sommes d'accord que c'est dans son téléphone qu'on a ouvert. Oui. Et voici le site catholique dans lequel c'est écrit. Je veux que toi-même tu lis. Voici le titre en noir et la puis prière. La prière. Lis à haute voix. L'ancienne reine du ciel en français. On a cité quoi? Reine du ciel. Reine du ciel, c'est qui? En tout cas, lis en bas, on va suivre. Reine du ciel, réjouissez-vous. Alléluia. Mm-hmm. Car celui qui vous avez mérité de porter dans votre sein, et Alléluia, est ressuscité comme il l'a dit. Oui. Alléluia. Oui. Priez Dieu pour nous. Alléluia. Soyez dans la joie et l'allégresse. Vierge Marie, Alléluia. Stop. Là, maintenant, c'est bon. Donc, il y a deux vers. Le cantique Regina Cheli est composé de deux vers. Dans le premier vers, on cite cette personne comme étant la reine du ciel. Dans le deuxième, on applique cette reine du ciel-là à la personne qu'on appelle Vierge Marie. Mmh. Ça devient intéressant. Maintenant, nous allons aller dans la Bible. On va voir qui est ce qu'on appelle la reine du ciel. La reine du ciel. On peut y aller? Mmh. Voilà, maintenant. Merci. Jérémie, chapitre 7. Que Dieu vous bénisse. Jérémie, Ancien Testament. Non, non, on va y arriver parce qu'après, Acte 7, c'est écrit là. C'est aussi écrit là. Jérémie. Donc nous avons compris en lisant ces cantiques que Regina Cheli est adressée à Regina Cheli parce qu'il y a Salve Regina, il y a Regina Cheli. Regina Cheli c'est le cantique à la reine du ciel. Voilà. On y va. Chapitre 7. On y va. Lisons les versets 14 à 18. 7 hein? Oui, chapitre 7, versets 14 à 18. Donc pendant que vous allez chercher, gardez-vous en esprit que Ancien Testament, gardez-vous à l'esprit que désormais, si vous entendez encore parler de Vierge Marie à l'Église catholique, ils sont en train de parler des démons. Et donc, si vous adressez une prière, comprenez à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous priez un démon. Voilà. On y va, verset 14. Oui. Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères. De la même manière, j'ai traité Silo. Oui. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas qu'ils font dans les c'est qu'ils font. Judas ah, pardon. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois. Un. Les pères allument le feu. Deux. Et les femmes pétrissent la pâte. Trois. Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Stop. Pour préparer des gâteaux à qui? À la reine du ciel. Littéralement, même nom, comme on l'a trouvé. Continuons. Et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. Donc Dieu dit qu'on fait le gâteau et les libations à la reine du ciel. C'est pour le faire. C'est pour faire quoi pour lui? Pour l'hériter. Pour faire, voilà. Mm-hmm. Afin de mériter. De mériter, c'est Dieu qui parle. Mm-hmm. Maintenant, je pose la question. Si ces cultes s'y plaisaient à Dieu et que, comme on a dit, c'était la mère de Dieu en faisant ce qu'on fait à Dieu, il n'aurait pas été hérité. Non. Voici le comble de cette affaire, c'est que cette chose-ci est écrite, ces versets-ci est écrit 700 ans avant la naissance de Marie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, quand on écrivait ceci, quand Jérémie vivait sur la terre, les arrière-arrière grands-parents de Marie n'étaient même pas encore nés. Alors, je m'excuse, hein, mm-hmm. mais quand je lis ça, quand tu me donnes des passages comme ça, oui. quand je le lis comme ça, oui. ok, je le comprends parce que avant ça, j'ai lu La Reine du Ciel. Oui. Mais sinon, je n'aurais pas. Exactement. Voici pourquoi. C'est pour ça que je dis lire la Bible, si tu, on peut ne pas la comprendre. En fait, c'est une accoutumance. Vous n'avez pas eu que c'est sur comment. Quand vous achetez une télévision comme ça, c'est en un seul jour, vous ne pouvez pas savoir comment tout manipuler. Mm-hmm. Au fur et à mesure, vous pouvez vous coucher, vous pointez la télécommande, vous appuyez sur un bouton sans regarder. Pourtant, au départ, vous serez obligé de chercher quel est le bouton. Mm-hmm. Dans la Bible, c'est comme ça. Il y a un début. En commençant, c'est mon ordre de prédicateur, mm-hmm. de prendre les choses, vous expliquer et de l'amener à votre compréhension. Mais il y a une intimité avec vous en cultivant l'intimité avec la parole, vous allez vous familiariser et Dieu va utiliser ses moyens à lui pour vous expliquer. Donc, les choses que je dis, ce n'est pas accessible à tout le monde. Mm-hmm. Et pour d'autres personnes, ce sera nouveau. Mm-hmm. Parce qu'il faut prendre ici, là, par exemple. Parce que sincèrement, à la Reine du Ciel... Oui. Mm-hmm. Je vais vous expliquer quelque chose, l'origine de ce livre aussi. Mm-hmm. Au Cameroun, je suis en 2009, je crois que c'est 2009, je crois bien, ou c'est en octobre, vous voyez. C'est en mars 2009. Je vais vous dire quelque chose. Je suis à la maison de prier. Le Seigneur me dit, lève-toi, sors. Je me lève, je sors, il dit, descends. Je marche en route comme un robot. J'arrive, bon, j'étais à peu près 2 km de l'université, donc dans la zone de l'université. Il dit, sors, je descends. Je suis en train de marcher jusqu'à ce que j'attends qu'il me dise que j'aille à gauche ou à droite. Il dit, descends à droite. Il dit, tu vois le troupe de ces garçons, des gens là, il dit oui. Il dit, va là-bas. Je ne savais pas ce qui se passe. Donc, à l'université, donc, il y a un garçon qui a amené des livres, des tas de livres comme ça. Il a mis au sol. Pour vendre. Il vend à vil prix. J'étais abasourdi ce jour-là. Le Seigneur dit, va là-bas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je m'avais fait là-bas? Il dit, baisse-toi. Je me suis baissé, je ne disais rien à personne. J'attendais seulement qu'il me donne l'ordre. Je me baisse, je prends le livre. Il dit, pas celui-là. Il dit, pas celui-là. Quand j'ai pris ceci, il dit, ça. Il dit, c'est combien? Le garçon dit, 300 francs CFA. Mais il ne connaît pas quel chef d'œuvre il m'a donné. Ça. C'est pour ça que j'ai écrit ici, gloire au Seigneur Jésus-Christ qui m'a offert ces précieux documents, ô combien riches. Merci à toi Seigneur, amen. Jeudi 26 mars 2009. Ça m'a coûté 300 francs. Mais les informations qu'il y a, ça délivre les âmes depuis lors, depuis 2009 jusqu'à maintenant. C'est pour cela que je garde ça de façon précieuse, parce que c'est lui qui m'a offert ceci. Il dit, j'étais à la maison, il m'a dit, sors. Il sort, il me dit, descends. Il dit, va à droite. Ce qui est curieux, et oui, puisque je suis obligé de dire tel qu'il m'a dit. Il dit, je suis devant la foule, le monsieur est debout. Il dit, je vends, je paie. Comment on vend les livres? Je me baisse, je prends ceci. Il dit, non. Je n'ai pas regardé le type de livre qu'il y a là-bas. Je ne veux pas le livre. Je prends comme ça. Il dit, non, je remets, je prends. Mais les gens n'entendent pas ce qu'ils entendent. Quand il touche le livre, il dit non. Quand il touche celui-ci, il a dit, oui, ça. Donc Jésus aussi, il connaît ce qu'il écrit dans le livre. Et donc, c'est quand je suis rentré à la maison. Je me suis mis à lire, que j'ai compris l'eau pourquoi. Parce qu'il m'avait donné, j'ai une mission de restauration des doctrines de Dieu. Et voilà l'une des missions. Maintenant, s'il veut enseigner aux catholiques que Marie, que vous servez n'est pas la vraie Marie, il va falloir que je prouve. Mm-hmm. L'histoire se trouve ici dedans. Tout ce que l'Église catholique a fait comme la fausseté, ça se trouve confiné ici dedans. C'est l'histoire. Vous voyez? Donc maintenant, après avoir lu ceci, voici donc, en première partie, on parle des croisades. Les croisades, ce sont les gens que le pape envoyé pour aller tuer les gens. Okay. L'Église catholique fait aujourd'hui comme si elle portait le blanc là parce qu'elle n'a rien fait. Mais si on parle de croisades, avec le pape qui a fait, les papes qui ont commencé les croisades. Or, l'Église catholique fait comme si elle n'a jamais rien fait. Ici, tous leurs meurtres sont écrits ici dedans. Mm-hmm. Tout, y compris Marie, l'Assomption, tout, l'Eucharistie, les signes de croix, tous les autres, c'est écrit là dedans. Donc après, on va quitter là, on va entrer ici dedans. Vous êtes prêts? Mm-hmm. Donc en clair, Marie, donc, que vous servez dans l'Église catholique, ce n'est pas la Marie de la Bible, c'est une sorcière, c'est un démon. Donc, en réalité, ce n'est pas la statuette de la mère de Jésus dans la Bible, quoi, dans la maison. Parce qu'en réalité, même le bon sens voudrait que vous sachiez que personne ne l'a vu physiquement. Mais c'est le bon sens. Au moins, moi, vous m'avez vu maintenant. Vous pouvez faire une caricature ou bien dire à un peintre d'écrire mon portrait et puis dessiner. Quand il dessine, si vous voyez ma figure apparaître, vous allez savoir que c'est cette personne. Mais personne n'a jamais répliqué au moins une première figure de Marie pour qu'on puisse dire c'est elle ici. Mais on est parti du film de Hollywood. À partir de cette image, une actrice qui joue de la pornographie plus tard. On prend son image, on commence à filmer. Un monsieur qui s'appelle Jésus, un homosexuel, on filme. Plus tard, il fume. Et on met sa photo, on dit c'est Jésus. Tu dis aux gens, brûlez ça. Lui-même, il envoie le message aux gens. Brûlez ma photo. Il a dit que je ne suis pas Jésus. Que je ne suis pas Jésus. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Mais jusque-là, les gens signent bec et on que c'est Jésus. Ils ne comprennent pas ces êtres humains. Il le sentait, non, Jésus. Il fume, hein? Oui, c'est un fumeur. C'est un fumeur. Elle fume. Car ma maman aussi. Oui, non, et moi aussi. Non, laisse, on va arriver sur ça. Ah. Tu as besoin de prier parce qu'il y a quelqu'un d'autre devant moi avec, en dehors de vous. T'as vu? Parce que moi, j'avais arrêté de fumer. J'ai repris. Non, c'est pas la fumée ici. Ce n'est pas de fumée. Donc, on va parler. Donc, on va. C'est ce qui est plus important là. Donc, l'apogée de christianisme. On avance. Donc, non, pas nécessairement maintenant. Non, pas aujourd'hui. Marie, on vient de voir. Avant d'avancer, on a fait de lire Regina Chilli. Afin de mériter, oui. Oui. On a vu Jérémie. Voilà. Donc, de l'autre côté, on a lu dans les trucs, le lien catholique, on a vu que le cantique à la Reine du Ciel, la Reine du Ciel est une connotation de Marie. De Marie, de la Vierge. Et on a vu donc, la personne qu'on appelle Reine du Ciel a vécu longtemps avant Marie. Donc, ça veut dire que cette personne-ci qu'on a amenée sur la scène en masquant avec le nom de Marie. Nous allons encore voir. En fait, ils utilisent l'image de soi-disant de la de maman Marie, de Marie Jésus pour adorer celle-là. Pour adorer la. Applaudissons pour elle, elle a compris. Donc, tu as bien compris, c'est ça dont il est question. Parce qu'en réalité, s'il dit Reine du Ciel, si vous allez quelque part, on dit nous adorons une sorcière, est-ce que tu vas accepter? Maintenant, si on dit c'est un sorcier, tu vas accepter. Maintenant, si on dit que celui-ci c'est Jésus, puisque tu connais Jésus, et tu sais que Jésus est bon, tu vas adorer sans t'arrêter, sans te poser des questions. C'est ce que l'Église a fait. Alors, ouvrons maintenant à, finalement Actes des Apôtres. On va voir encore cette femme-là. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Donc, on sort, on va dans le Nouveau Testament. Courage à vous les catholiques. Courage. Actes. Acte, hein? Oui. Acte combien? Actes chapitre 19. Verset. Vous êtes maman est derrière là-bas. Quoi? Acte chapitre 19 d'abord. Acte des Apôtres, chapitre 19. On y va. Prenons à partir du verset 20 maintenant. C'est ainsi, c'est ça? Oui, c'est ainsi, tout à fait. Il faut lire. Ah, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Oui. Continuons. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe, c'est ça? Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste. Et Éraste. Éraste. Et il restera lui-même quelque temps encore en Asie. Voilà. Donc, il attend que Timothée et Erasme viennent. Il envoie les deux ailes. Il reste lui-même en Asie. C'est là qu'on va commencer à voir ce qui se passe en Asie. Allons-y. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Oui. Nommé Démétrius. Nommé Démétrius. Oui. Orfèvre, fabriqué en argent des temples de Diane. Le temple de qui? De Diane. Vous voyez comment s'appelle maintenant? On va le voir tout à l'heure ici dans cette histoire. Des temples de Diane. Oui. Et procurer à ses ouvriers un gain considérable. Donc c'était une industrie de fabrication de la déesse Diane. Des or, oui. En or quoi. Oui, continue. Ou en argent. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Oui. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce pôle a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Là, nous avons deux personnages ici. Il y a Démétrius, qui est un artisan, qui a une industrie, c'est eux qui fabriquent ces figures-là et on distribue. Et il y a une autre personne qu'on appelle Paul. Lui, son rôle, c'est de prêcher qu'il faut abandonner cette genre de culture. Et ce monsieur-là, il va rassembler le syndicat des fabricants de tentes et des figures de Marie. Il vient, il convainc les gens en disant que vous voyez que ce Paul-là a détourné une foule de gens. Donc il a pu prêcher et que les gens ont entendu, ils ont délaissé. Il dit, maintenant il va dire le bien-être et le danger. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. Oui. C'est encore que le temple de la grande déesse Diane oui. ne soit tenu pour rien. Stop. Donc, Donc il y avait un temple pour cette grande déesse. Et c'est la parole de ce monsieur qui va lui donner quelque chose, encore une autre version pour voir lire ici. Oui. Et même que la majesté de celle qui est révérée, oui, dans toute l'Asie et dans le monde entier, ne soit réduite à néant. Donc, plusieurs choses. La majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et même dans tout le monde. Donc, vous voyez effectivement que ce n'est pas aujourd'hui qu'on adore Marie, cette entité qu'on appelle Marie. Nous avons vu ça dans Jérémie tout à l'heure. Ça, c'est 700 avant Jésus. Donc, à la période, quand Jésus est mort, ressuscité, 30 ans plus tard, elle était toujours célébrée dans le monde. Donc, en réalité, elle n'a jamais disparu. Elle a muté au fil du temps. Parce que dans Jérémie, on l'appelait Reine du Ciel. Sur Actes des Apôtres, on l'appelle Diane. En Égypte, on la rencontre sous le nom d'Isis. Vous voyez cela? Maintenant, vous pouvez mettre le nom qu'on lise ici. Nous allons lire dans ce document. Mais ce document, c'est grosse plusieurs thèmes. Pendant que vous êtes dans les lits ici, je suis sur les sacrements. Vous allez permettre donc, avant qu'on aille sur Marie qui est ici dedans, je vous brosse rapidement le sacrement du baptême. En réalité, la Bible parle du baptême comme la plongée de quelqu'un dans l'eau. En dehors de ça, il n'y a pas deux autres baptêmes. Regardons ce qui est écrit ici, à la page 314. On dit, le sacrement essentiel était le baptême. Il avait deux fonctions, effacer la souillure du péché originel et par cette nouvelle naissance, recevoir officiellement l'individu au sein du christianisme. C'est à cette cérémonie que les parents devaient donner à l'enfant le nom d'un saint qui serait son patron, son modèle et son protecteur. C'était le nom chrétien. Maintenant, regardez bien. Vers le 9e siècle, la méthode primitive du baptême par immersion fut graduellement remplacée par celle de l'aspersion. Nous avons convenu ici dès le départ. Et Dieu a dit qu'on ne doit rien ajouter. On doit rien retrancher. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... On change. Et vous allez vous dire aux catholiques aujourd'hui que vous n'êtes pas baptisé. Vous dites non, pour moi, mon baptême compte. Ils ne connaissent pas quelle est l'origine de la chose. Donc, le Seigneur, je crois que le Seigneur a pour but, en me donnant ceci, avait pour but de me montrer que chaque fois, il faut que les catholiques voient l'origine de leur doctrine. Parce qu'il y a un commencement, il y a un moment donné où il a commencé. Puisque dans la Bible, quand on voit qu'on baptise des gens, on les plonge dans l'eau. Parce qu'en fait, c'est ce que ça veut dire baptême. Baptême, ça veut dire plonger. Donc, si vous êtes là catholique, vous croyez que vous êtes baptisé. Si vous n'êtes pas plongé, vous n'êtes pas plongé d'après l'Écriture. Donc, tu dois être baptisé, pas vrai? Voilà. Mais Jésus-même a été baptisé. Absolument. Il a baptisé ses apôtres. Exactement. Donc, ça veut dire qu'on doit être baptisé comme Jésus l'a fait, n'est-ce pas? Non, c'est plein là maintenant. Là, c'est la page 314. Ici, c'est. Bon, on prend là. Voilà. Ici, se trouve le concile de Latran, de 1215. Dans cette page, on traite des. Quand les catholiques prennent ce que vous mangez là, c'est pas comment vous appelez cela. L'hostie. Le corps du Christ. Voilà, c'est ça. Le corps post-Christi. Alors, lorsque les gens prennent cela, ils ne comprennent pas comment ça a été conçu, ni pourquoi. Enfin, on dit, d'après la doctrine catholique, dans chaque partie de cette substance là, se trouve totalement le corps du Christ dedans. Absolument. Ça veut dire que si vous prenez. Si vous prenez l'hostie, cette forme-ci, dès que vous coupez comme ça, ici, c'est tout le corps du Christ. Si vous coupez encore, ici, c'est toujours encore tout le corps du Christ. Si vous continuez à couper, il y a tout le corps du Christ là-bas. Maintenant, regardons l'origine et la date, d'accord? On dit le dogme, une fois de plus, le dogme de la présence réelle. Ça, c'est à la page 318. Le dogme de la présence réelle se développa lentement. Il fut officiellement formulé pour la première fois par le Concile de Nicée en 787. En 855, un moine français, un bénédictin, enseignait que le pain et le vin consacrés étaient le corps et le sang de Christ spirituellement et non charnellement. Vers 1045, Béranger, archidiacre de Tours, mettait en doute la réalité de la transsubstantiation. Il fut excommunié parce qu'il tentait de dire clairement que ce n'est pas bon. C'est pas bon. Donc toute personne qui se pose à l'église catholique, c'est comme ça, soit vous sortez de là-bas, soit on vous chasse. Et Lanfranc, abbé de Bec, lui écrivit une réfutation en 1663 qui exposait la vraie doctrine. Nous croyons que cette substance terrestre est par l'ineffable, incompréhensible opération de la puissance céleste changée en l'essence du corps du Seigneur, tandis que l'apparence et certaines autres qualités demeurent inchangées, afin qu'il soit épargné aux hommes le choc de percevoir les matières crues et sanglantes. Où est la sorcellerie, non? Donc, d'après ce que celui-ci a écrit, et c'est ce qui est maintenu dans la doctrine catholique, lorsque l'évêque ou bien l'archevêque se lève et prie sur cette chose-là, ça se transforme réellement en corps physique de Jésus. Mais l'aspect, c'est dans le cadre spirituel. Parce que si c'était manifesté physiquement, tu n'accepterais pas de manger la chair humaine. N'est-ce pas la sorcellerie de l'Église que tu as enseignée là? On continue pour ce qui nous attend. Alors, on va arriver au niveau de... Ça, c'est Ave Maria, voilà. La prière. Donc, là d'où l'Ave Maria est sortie. On est, je dis. Les plus anciennes prières chrétiennes étaient le Pater et le Credo. Vers la fin du 7e siècle, la tendre et intime prière de l'Ave Maria commença à prendre forme. Parce que le 7e siècle, donc 700 ans après la Bible, que la Bible est écrite. Et il y eut des litanies poétiques, des louanges et des supplications. Quelques-unes des prières médiévales touchent à l'incantation magique, tendant à provoquer des miracles. Donc en réalité, ce sont des suites des incantations qu'on a codifiées dans l'Ave Maria. Continue seulement. On y va. Ici, on parle de rosaire et chemin de croix. J'avance. Ok. D'après les coutumes orientales rapportées par les croisés, développait graduellement le rosaire. De même que cette machine à prier était popularisée par les dominicains. Parce que dès le départ, dans l'université catholique à Paris, il y avait deux groupes de catholiques. C'était les gens qui pondaient, au sens propre du terme, les dogmes catholiques. Il y avait Thomas d'Aquin avec Augustin et autres là-bas. Il y avait les dominicains d'un côté et les franciscains de l'autre côté. Donc pendant que les dominicains non pondaient cela, les franciscains, eux, popularisaient la Via Crucis, ou bien chemin de croix. Donc le rosaire est venu des dominicains, le chemin de croix est venu des franciscains. Vous posez la question, au 12e siècle, donc 1200 ans avant, aucun disciple du Seigneur Jésus-Christ qui a écrit la Bible ne connaît pas cela. Quel est le rôle, quel est leur intérêt à venir ajouter toutes ces choses-là? Maintenant, on continue ici. Les prières officielles de l'Église étaient souvent adressées à Dieu le Père. Écoutez bien maintenant. Un petit nombre invoquait le Saint-Esprit. Mais les prières du peuple s'adressaient surtout à Jésus, à Marie et au Saint. Le Tout-Puissant était redouté. Donc les gens avaient peur de s'adresser au Tout-Puissant. Il comportait encore, dans la conception populaire, beaucoup de la sévérité qu'il avait héritée du vieux Yahweh. Alors maintenant, c'est pour ça qu'ils ont commencé à orienter les prières aux gens, le culte des saints. Voilà. Donc, il y a l'origine des cultes des saints, les tombes des pierres, ainsi de suite. Regarde bien ce qu'on fait ici. Alors, parce qu'on dit que la basilique de Saint-Pierre à Rome, il y a les reliques des pierres de Amba. Voici ce que les historiens disent. On sait que les fouilles récentes pour trouver les traces du tombeau de Pierre, après avoir soulevé beaucoup d'espoir, se sont terminées dans un silence significatif. Donc en réalité, le prélis s'attelait ment en disant que la basilique Saint-Pierre a les reliques des pierres en bas. Tu peux revenir sur le rôle des saints. Parce qu'on en parle beaucoup dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique. Ouais. Donc, ici, on parle des différents. L'invocation des saints, comment c'est né. Bon, je vais dire. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Il semblait plus prudent de développer, quoi, de déposer cette prière au pied d'un saint dont la canonisation assurait qu'il était bien au ciel et de le prier d'intervenir auprès de Christ, saint d'ailleurs. Tout le polythéisme poétique et populaire de l'Antiquité ressuscita d'un passé qui n'était jamais complètement mort. Donc, ce n'était que des pratiques païennes qu'on a ramenées maintenant sur le cadre, dans le cadre chrétien. Corps de Marie. En tout cas, pendant qu'on en est avancé, gardez-vous à l'esprit que l'Église catholique n'enseigne rien qui est biblique. Donc, je crois que ce serait mieux de dire comme ça. Alors maintenant, ici on dit... Trois sanctuaires français et éloignés d'ailleurs les uns des autres prétendaient posséder le corps intact de Marie-Madeleine. Donc, dans trois français, ils ont dit qu'ils ont le corps intact. Et cinq églises françaises juraient avoir chacune la seule relique authentique de la circoncision du Christ. C'est-à-dire qu'on a de ces fables. On avait circoncis Christ il y a cela plus de 2000 ans à Jérusalem, à Bethléem. Et puis, ceux de la France disent qu'ils ont les reliques de la circoncision. C'est comme ça que le corps de Marie est arrivé. Où est la page 300? Permettez-moi de lire. Voilà. On va avancer. Regardez. On va prendre quelle là? C'est grave seulement. Maintenant, prenons ici. L'encens brûlé devant les autels rappelait les antiques holocaustes. L'aspersion d'eau bénite était une très ancienne forme d'exorcisme. Les processions et les lustres continuaient des rites immémoriaux. Les vêtements du clergé, c'est-à-dire ce que le pape et les autres abordent, et le titre papal de Pontifex Maximum était de l'aigle de l'ancienne Rome. Donc, les Romains qui avaient crucifié Jésus, c'était le titre que les rois l'apportaient. Maintenant, le pape porte le même titre, mais cette fois-ci avec la vie blanche, pour signifier qu'il s'est converti, alors qu'en réalité, ce sont eux qui ont tué Jésus. Pas étonnant qu'ils continuent à tuer Jésus-Christ, cette fois-ci la parole. L'Église, regardez bien, l'Église s'aperçut que des paysans convertis révéraient encore certaines sources, des puits, des arbres et des pierres. Elle pensa qu'il était plus sage de bénir ces choses pour les accommoder à l'usage chrétien que de briser trop brusquement avec une continuité sentimentale. Par conséquent, supposons, voilà votre piscine. Vous avez appelé votre piscine Sainte-Quirène. Vous adorez votre sainte prière parce que vous êtes issu d'une localité du Portugal qui aime l'eau. L'Église catholique vient et dit non. Au lieu de dire, si on lui demande d'abandonner sa cible idole, elle va dire non. Maintenant, on va lui mettre Sainte Rita. Mais quand vous continuez à adorer, vous adorez qui en réalité? Sainte Kirin. C'est ce que le catholique a fait, c'est ce qu'on a dit. Alors maintenant, on dit des festivités païennes. Des festivités païennes chères au peuple ou nécessaires comme moratorium. Cathartique des règles de la morale réparues comme fête chrétienne et les rites païens de la végétation entrée transformée dans la liturgie chrétienne. Le peuple continue à allumer les feux de la Saint-Jean et dans les pays anglo-saxons, Pâques avec S, Pâques, vous avez noté alors, Pâques du printemps, prit le nom païen de Eros, la vieille déesse tectonique. Donc, les Pâques que les chrétiens, que les catholiques regrettent, c'est les puissances démoniaques qui sont les célébrées. On continue. Maintenant, nous tous sommes mariés, nous sommes à la page 327. Le triomphe, on veut dire l'apogée de toute cette adaptation-ci. La plus grande réussite que l'Église catholique fait, c'est sur Marie. Le triomphe le plus beau de cet esprit d'adaptation tolérante fut la sublimation des cultes de la déesse mère païenne en l'adoration de Marie. Ici aussi, le peuple prit l'initiative. En 431, Cyril, archevêque d'Alexandrie, ça c'est en Égypte, dans un fameux sermon prononcé à Éphèse, vous vous souvenez de ce mot-ci? On a lu ça aujourd'hui. À Éphèse, appliqua à Marie beaucoup des thèmes que les païens employaient pour la grande déesse. On a lu ça aujourd'hui dans la Bible. Dans la grande déesse d'Éphèse, Diane. Artemis. Tu as vu ça? Et le concile d'Éphèse, une fois de plus, c'est là où on adorait Marie, où il y avait son temple. C'est là où on a fait la réunion pour sanctionner Marie, mère de Dieu. Et le concile d'Éphèse de cette année-là, passant outre aux protestations de Nestorius, sanctionna pour Marie le titre de mère de Dieu. Ça, c'est en 431 qu'on a décidé que Marie, c'est la mère de Dieu. Graduellement, les traits les plus tendres d'Astarté, de Cybèle, d'Artémis, de Diane et d'Isis furent rassemblés dans le culte de Marie. Graduellement. On y va. Au VIe siècle, l'Église institua la fête de l'Assomption de la Vierge aux cieux et lui assigna la date du 15 août, la date de l'ancienne fête d'Isis et d'Astarté. Qu'est-ce qu'on en dit là maintenant? Marie devint la sainte patronne de Constantinople et de la famille impériale. Son image fut portée en tête de toute grande procession et fut pendue. Elle est encore aujourd'hui au mur de chaque maison, y compris ici. C'est ça, non? Alors maintenant, cette femme-là, c'est Marie ou c'est pas Marie alors? Elle ressemble à Marie. Donc tu as vu la photo originelle de Marie. Non, je veux dire, elle ressemble dans le sens, ça lit. Là, il y a beaucoup de choses qui viennent, on parle de Diane, on parle de Reine du ciel. Et tout ça couvre en fait, c'est Marie qui est derrière tout ça. Non, se sont mis sur Marie. Oui, ils ont porté ça, ils ont mis ça sur le dos de Marie. Et poussé les gens à adorer. Parce qu'en réalité, la Bible ne pousse pas déjà les hommes à adorer les hommes. La Bible ne pousse pas déjà les hommes à adorer un être. La Bible pousse les gens vers Dieu. Et donc, ils ont essayé de masquer le culte de cette sorcière-là. Pour ces gens, dont ils déchoient les gens dans le culte qui est réservé. Mais pour quel intérêt? Pour quel intérêt? C'est là où ça nous pose la question que nous avons posée aujourd'hui. Quel est l'intérêt de l'Église catholique à le faire? Moi, Junior, c'est une des raisons, en fait, finalement, pour lesquelles les autres religions, ou les musulmans notamment, discréditent la Bible. Ils connaissent l'histoire. Ils connaissent l'histoire. Ils savent qu'on s'est inspiré. C'est pour ça qu'ils disent que la Bible a été changée. Oui. Mais du fait des catholiques. Parce qu'ils croient que l'Église catholique, c'est la chrétienté. Non, c'est ça. Parce que l'Église catholique, quand le Coran même est écrit, quand vous remarquez les reproches du Coran, on reproche plutôt aux catholiques. C'est ça. Parce que l'Église catholique sort à un moment donné, et l'islam aussi sort à cette période-là. Et c'est l'Église catholique qui est le plus en vue. Par conséquent, ces fausses doctrines qu'elle enseignait. L'islam s'est levé contre cela. Or, on croit justement, l'islam croit que si vous n'êtes pas musulman, vous êtes forcément catholique. Oui, tout à fait. Mais ils ne font pas la distinction, même quand tu parles à un catholique. Quand tu lui dis que tu es chrétien. Oui, un musulman. Un musulman? Un catholique. Oui. Un catholique, chrétien, c'est catholique. C'est catholique, en fait. Ici, il y a ici chrétien, c'est catholique. Donc, quand on dit chrétien, ça veut dire qu'on est catholique. Ça veut dire qu'on est catholique. Voilà. Automatiquement, on ne fait pas l'amalgame. Mais c'est terrible, hein? C'est ça. C'est vrai, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que les musulmans, si tu n'es pas musulman, oui. Tu es catholique. Tu es catholique. Voilà. C'est tout. Alors, catholique veut dire, et par rapport au Coran, voici les preuves en fait. Oui, que ça a été modifié. On y va. Une nouvelle religion avait ainsi été créée. Et peut-être le catholicisme ne survécut-il qu'en l'absorbant. Un évangile de Marie prit forme. Donc, avant ce temps-ci, on n'en parlait pas de Marie. Enfin, dans la Bible, comme vous allez lire la Bible, dès que Jésus monte au ciel, on parle de Marie une seule fois et puis c'est terminé. Le seul renseignement qu'on donne, c'est qu'elle était parmi les gens pour attendre le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, on n'a plus jamais parlé d'elle. On dit, pris une forme non canonique, incroyable et d'un charme indescriptible. Le peuple enfantait des légendes. Les moines les transcrivaient. C'est pour ça qu'on entend que deux enfants à Fatima ont vu l'apparition. C'est ça. On fait, on adopte. Telle personne, Véronique, a fait comme ça. On prend, voilà. Sainte-Hérite a dit qu'on tient l'interdit, on adopte. Pourtant, la Bible a dit qu'on ne doit rien ajouter, on doit rien retrancher. L'Église pouvait ne pas approuver toutes ces historiettes, mais elle fit des grandes fêtes des événements de la vie de Marie. L'Annonciation, la Visitation, la Purification, l'Assomption. Et finalement, cédant aux appels des générations de laïcs et de franciscains, elle permit aux fidèles. Et en 1854, leur ordonna de croire en l'Immaculée Conception. Voilà la date. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a dû me donner ça? Parce que sinon, je serais ici en train de parler que l'Immaculée Conception ne vient pas de Dieu. Il a dit que c'est moi qui le dis. Mm-hmm. Ici, c'est pas ici, c'est Will Durand. Il s'appelle Will Durand. Will Durand, c'est un historien. C'est un historien. Vous pouvez filmer cela, l'apogée de la foi, 3e édition. Vous pouvez filmer cela et faire des recherches sur lui. C'est un historien qualifié en la matière. En tout cas, c'est ici pour les catholiques qui lisent leur histoire. Ils savent que c'est vrai parce que ça, vous pouvez trouver sur Internet. Vous allez sur Internet, vous tapez origine de l'Immaculée Conception. On va vous donner avec la date, le pape qui l'a fait. À savoir que Marie avait été conçue sans la souillure du péché originel, lequel, selon la théologie chrétienne, pèse tout enfant des hommes depuis Adam et Ève. La vénération de Marie transforma le catholicisme qui avait été une religion de terreur, c'est ça, voilà ça, qui avait été une religion de terreur, peut-être nécessaire durant l'âge des ténèbres, en une religion d'indulgence et d'amour. Les filles d'Ève sont entrées dans le temple et en ont transformé l'esprit. Les filles d'Ève, pour dire, l'esprit féminin est entré dans l'église, en a transformé. Alors l'église catholique, vous voyez là, dès le départ, elle a commencé ici, pas ici, par rapport aux croisades. C'est la troisième croisade qui a duré de 1186 à 1192. Donc, initialement, l'église catholique était vouée seulement à tuer ceux qui n'étaient pas contre. Donc voici les premières croisades, de 1095 à 1200, les causes. Ça, c'est le pape, du coup, c'est Urbain qui va ordonner le premier. C'est pour ça que les musulmans disent qu'on peut parler, nous, parce que c'est vrai qu'eux ont tué les chrétiens. Mais quand il dit que les chrétiens aussi ont tué, pas des chrétiens en tant que catholiques. Voilà. Parce que l'histoire raconte cela. Or, ils ne savent pas que l'histoire des chrétiens, c'est l'histoire de Christ. Mm-hmm. C'est différent de l'Église catholique. L'Église catholique, c'est une institution qui a voulu s'imposer à bec et ongle sur les États. Or, le chrétien n'est pas comme ça. Jésus a dit son royaume n'est pas de ce monde. La tradition d'Égypte, c'est la Juda. Les chrétiens ne sont pas portés à la violence. Donc forcément c'est pas ça. Donc alors c'est plein ici donc par rapport à cela, transubstantiation, son origine. Donc ce qu'il remarque déjà, c'est que beaucoup de personnes ne connaissent même pas déjà la doctrine catholique. Ici, lorsque les gens partaient à le pape Boniface, c'est Boniface VIII maintenant, décrétait le jubilé pour l'an 3000, pour l'an 1300. Quand les gens allaient à Rome, qu'est-ce qui se passait? Quand on dit, nous pouvons difficilement imaginer l'exaltation de ces pèlerins, las. Et pour eux, quand à l'horizon apparaissait enfin la cité sainte. Ils appellent Rome la cité sainte. Je me pose donc la question, en quoi Rome est la cité sainte? Ouais. Qu'est-ce qui fait de Rome que Rome soit cité sainte? Nous connaissons Jérusalem, parce que c'est la sainte cité, la cité de Sion. Rome a quoi de sainte? Il dit cité sainte, et qu'ils entonnaient le choral des joies et des louanges. Suivez bien. Ô Rome, ô noble ville, ô maîtresse du monde. Quand je lis ça, chaque fois, je panique. Parce que la Bible parle d'elle comme étant la grande prostituée, cette ville-là. La ville dans laquelle se trouve une institution qui a souillé tout le monde entier. On dit, ô Rome, ô noble ville, ô maîtresse du monde, de toutes les cités, toi la plus éminente. Qu'est-ce que Rome a en particulier? Je veux que tu me dises. Il y a quoi à Rome? Vatican. Donc, Vatican pervertit le monde, dit la Bible. En résumé. avant de répondre à deux questions que nous sommes posées de départ, en résumé, toutes les dogmes au sein de l'Église catholique n'est que les concoctions ou mieux les transformations des cultes païens en vénération des non-chrétiens. Des non-chrétiens. C'est-à-dire, en mettant non-chrétien, on ne doit pas trop garder la sensibilité des démons. Mm-hmm. Si on dit que règne du ciel, tout le monde sait que règne du ciel, c'est un démon. En réalité, donc, l'Église catholique a derrière elle un autre être autre que Dieu. Parce que si elle servait l'intérêt de Dieu, elle implémenterait la vérité dans les vies. Mm-hmm. C'est encore normal parce que beaucoup de monde le suivent. Jésus a dit plutôt que l'âge est spacieuse et la voie qui mène à la perdition pour beaucoup de monde. Puisque les gens peuvent aller à l'église catholique, on ne les dérange pas par rapport au culte des crânes, par rapport au culte des esprits, ils continuent à faire puisque c'est ça qu'ils font là-bas. Mais l'évangile pur te dira qu'il y a un ligne rouge qu'il ne faut pas transiger. Vous devez adorer uniquement le Seigneur et ne pas servir. Les jeunes filles peuvent aller en boîte de nuit, continuer à aller au culte là-bas, faire un peu comme on ne leur dit pas de prêcher parce que Dieu est tolérant. Maintenez les gens dans l'ignorance pour qu'ils vont en enfer par la suite. Mais la Bible déclare que votre corps, votre âme, votre être soit gardé irrépréhensible. Donc le standard de la Bible, c'est enseigner la sainteté, irrépréhensible, la fuite du péché, s'éloigner du péché. Si on suit la Bible, c'est comme ça. Alors quand l'Église est tolérante, enfin, c'est toute l'Église sauf ça, parce qu'eux-mêmes, ils sont dans le péché dès le départ. La caste des prêtres ne se marie pas pour pouvoir commettre l'homosexualité et toutes les autres choses qui s'y trouvent. La Bible déclare que les serviteurs de Dieu doivent être irrépréhensibles. Cela dit, qui sait dans l'Église catholique? La Bible répond, elle sait la bête, le dragon ancien. La Bible répond, elle sait la bête, le dragon ancien. Je n'ai pas compris ta question. Qui sait l'Église catholique? Ou mieux encore, qui c'est est qui derrière l'Église catholique? Le dragon ancien. Tout à l'heure, nous avons lu dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, il a dit, qu'on se garde, on préserve son âme de peur que tournant les yeux vers toute la mer des cieux, devant le soleil et la lune, on amène à se prosterner devant eux. Maintenant, vous n'avez pas remarqué que dans toutes les icônes de l'Église catholique, il y a le soleil au-dessus des têtes des gens. Mm-hmm. Qu'est-ce que le soleil fait là-bas? Et c'est cette forme de soleil-là qui se trouve dans ce qu'on appelle l'hostie. Donc c'est le dieu Dionysos ou bien Apollos qu'on adore là-bas. Et par conséquent, sa fête le plus ultime, c'est le 25 décembre, la fête du dieu soleil. Donc la fête de Noël n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus. Je crois que si on trouve la fête de Noël, ça se trouve, c'est encore... Ça, je savais que Noël n'était pas la naissance de Jésus. Hein. Alors maintenant, si ce n'est pas la naissance de Jésus, si toi, tu le sais en n'étant pas prêtre, n'étant pas évêque, il n'y a aucun apport à modifier dans l'Église catholique. La question, c'est ceux dont là qui sont les grands dirigeants, qui disent ça dans le monde entier, ne savent-ils pas? S'ils le savent, pourquoi le font-ils et quel est leur intérêt? Après, ce que j'ai compris, c'était un truc, c'est commercial, c'est... Mais, comment c'est sur le point où vendez le téléphone, vous achetez les jouets. Mais en fin de compte, Dieu a dit, gardez vos âmes. Enfin, la Bible dit même, va même plus loin en disant que c'est elle qui fait le commerce, et même le commerce des hommes, des âmes d'hommes. Si vous voulez, on lit. C'est satanisme, ça. Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, en clair, l'Église catholique ne sait pas dire. Mais qu'est-ce que la Bible donc dit pour ceux qui sont dans l'Église catholique? Lisons maintenant, d'accord? Apocalypse chapitre 18. En tout cas, le nom que Dieu lui a donné dans la Bible, c'est Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Voilà. Babylone. Oui. C'est le meilleur nom que quelqu'un puisse avoir. Mm-hmm. Parce que c'est quelqu'un qui a pris le nom. Vous savez, le mot catholique veut dire même universel. Catholique. Oui. Mm-hmm. Catholique veut dire universel. C'est ce que ça veut dire. En latin? Non. Catholique, le mot catholique, vous voulez dire que c'est catholique, veut dire universel. Parce que c'est une église universelle. Oh, c'est terrible seulement. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Apocalypse dans le nouveau. Oui, le nouveau, tout dans le dernier livre. Ouais. Mm-hmm. Oui. 18, hein? Oui. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc le peuple de Dieu se trouve en plein Babylone. Oui. Afin que vous ne participiez point à ses péchés. Donc Babylone a des péchés. Et il veut que les êtres humains commettent le même péché. Et Dieu ici dit à son peuple de sortir du milieu d'elle, de ne pas participer. Oui. et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Oui. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Oui. Et Dieu va lui payer maintenant au double de ce qu'elle avait. Voilà, autant elle s'est vautrée et plongée dans le luxe, autant Dieu va lui donner le double. Donc, d'après ce livre-là, le Vatican sera frappé par le feu de la bombe. Mais à aucun moment, c'est marqué Babylone. Allons-y au chapitre 17. Donc. Ah si. Non, au-dessus. Ah. Au 2. Non, c'est mieux. Alors, rentrons au chapitre 17. D'accord. Puisque ça, c'est au chapitre 18. Rentrons au chapitre 17. On va lire. Je vais te poser des questions. Tu vas me dire qui c'est. On y va. Je suis en train de tricher. Oui. Rentrons au chapitre 17. On va lire à partir du 17. On va où? Apocalypse 1. Oui, 17. Oui. Donc, tu vois, si elle découpe comme ça, sortie du milieu d'elle, il n'y a rien qui signifie que c'est les états. Ben oui, c'est ça. Justement. En fait, quand tu m'as fait lire un passage, je ne sais pas marquer Babylone. Voilà, justement. Par contre, au 17, c'était oui. Marqué Babylone. Ce n'est pas souci de ne pas faire lire beaucoup. Mais maintenant, on est obligé de lire doucement jusqu'à la fin. Ouais. Donc, nous allons lire maintenant. Tu vas lire tel que je vais te dire. Et puis, par la suite, je vais te poser des questions. Oui, je vais vous poser des questions. Et vous allez me dire de qui on parle. On va analyser, on va savoir. Allons-y. Verset 1. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupe vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. La grande prostituée. Continuons. Qui est assise sur les grandes eaux. Stoppons d'abord là-bas. Si on te pose la question qu'une prostituée assise sur les grandes eaux, dans l'image, tu vois une femme peut-être sexy qui est assise sur les marigots, pas vrai? Les grandes eaux pourraient représenter quoi? Les grandes eaux. Oui, quand tu apprends eau, ça veut dire quoi? Grandes eaux. En tout cas, lis le verset 15 rapidement. Allons au verset 15 avant de remonter. Va au verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples. Des peuples. Continue, c'est pas fini. Des foules. Des nations et des langues. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui domine sur des foules, des peuples, des nations, des langues. On va remonter au verset 1. Donc, on garde bien ça à l'esprit. Que c'est une prostituée qui est assise. Assise, ça veut dire domine. Il faut qu'on identifie quelle est cette prostituée. Mm-hmm. D'accord? Continuons. C'est avec elle oui. Que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Donc, ça veut dire que forcément, ce n'est pas déjà un roi. Mm-hmm. Parce qu'on dit que cette prostituée est allée vers les rois donc, de la terre. Donc, lui n'est pas connu sous le nom des rois. Mm-hmm. Voilà. Donc, nous comprenons que ça ne peut pas être les États-Unis. Parce que les États-Unis ont un président. Ici, on parle d'une prostituée. Continuons. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et le vin dans la Bible symbolise le saoulement que donne le Saint-Esprit. C'est-à-dire les effets du Saint-Esprit. Et par conséquent, si tu as été saoulé du vin de l'impudicité, ça veut dire que c'est les faux enseignements que tu as reçus. Oui. Recommence. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, oui. Ça vous fait avoir l'effet de quelqu'un qui a saoulé. Voilà. Ici, on parle du vin de l'impudicité. Ça se pose que c'est des faux enseignements que les gens ont bu. Ah, d'accord, on t'a raconté n'importe quoi. Voilà, continuons. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Oui. Ça veut dire qu'ils ont mangé les paroles, oui. Les mauvaises paroles. Voilà. Il me transporta en esprit dans un désert. Oui. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Donc, finalement, pour expliquer le mystère de la prostituée, quand le transport en esprit, il voit une femme assise sur une bête écarlate. Oui. Plein de noms, de blasphèmes. Donc, sur cette bête-là était écrit le nom des blasphèmes. Oui. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Oui. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et oui. Parée d'or, de Stop. Pierre. On dit que cette femme, on dit la façon dont elle est vêtue. De pourpre et d'écarlate, oui. Pourpre et écarlate. Ça peut être qui ça? Oui. Satan? Non, comment ça? Satan, c'est pas une femme quand même. Ah, je sais pas. Rouge et paré d'or. Ah, c'est. Comment? Diane. Diane, c'est une représentation spirituelle. Spirituelle. Mais ici, on est en train d'aller identifier les personnes que cette entité-ci sert. Mm-hmm. On dit que ces personnes s'habillent en pourpre et d'écarlate. Mm-hmm. Quelle est la classe des prêtres, des prêtresses qui portent ce genre de vêtements? Les cardinaux, non? Ils ne sont pas en rouge. Mais c'est pas ça qui est décrit là-bas. Mm-hmm. Le plus comble de cette histoire, c'est que ceci est écrit longtemps avant que les catholiques ne viennent sur la place. Donc Dieu a présenté leur image avant qu'ils ne viennent sur la scène. Continuons. C'est vrai, ils ont des grandes chaînes avec les grosses croix en or. Voilà. Continuons là. Oui, ils ont l'or et des grosses bagues aussi. Exactement. Ouais, précieuses et de perles, parées d'or, de pierres précieuses et de perles. Donc, ça veut dire que ces personnes étaient remplies des de différentes pierres précieuses de la terre. Oui, plein. Et c'est au Vatican ça se trouve, n'est-ce pas? Continuons. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Donc, on dit clairement même avec quoi elle célèbre la messe. Continue. Remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. C'est ici dans la révélation. Donc, on dit dans sa coupe se trouve rempli le Dieu qu'elle sait, l'abomination de sa prostitution. Parce que c'est prostituée avec quelqu'un. Quand vous allez vers Dieu seul, vous lui voyez impureté, vous êtes infidèle. Quand vous allez vers l'autre Dieu, on dit que vous êtes prostituée. Donc elle est allée vers un Dieu et la Bible indique donc là que dans sa coupe d'or qu'elle tient entre les mains, c'est rempli des abominations. C'est où il y a le vin du Christ ou les hosties. Vous, parce que, non, c'est les hosties parce qu'on dit que les hosties sont souvent dans la coupe. Ouais. On dit que c'est rempli d'impureté de sa prostitution. D'abomination et d'impureté de sa prostitution. Donc le Dieu qu'elle sait se trouve dans la coupe en or. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y a dans ces lignes là partout. Continuons. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Voilà, continue. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. C'est du sang des témoins. C'est ici donc que ceci devient intéressant au niveau des croisades. Vous allez poser la question sur la terre. Y a-t-il un gouvernement qui a jamais poursuivi les chrétiens pour les tuer? Non. La seule et unique personne qui a dû faire ça, c'est l'Église catholique. Les croisades. Les croisades avaient pour but de détruire, disent-ils, ceux qui étaient les hérétiques. Un hérétique, c'est celui qui enseigne ce qui n'est pas vrai. Pourtant, nous voyons là, bec et ongle, que c'est eux qui enseignent ce qui n'est pas vrai. Par conséquent, ils voulaient décimer ceux qui détenaient la vérité. Ils les taxaient d'hérétiques et ceux qui ne voulaient pas s'accoutumer ou bien aller avec eux, on les tuait, on les taxait d'hérétiques. La Bible déclare qu'on a vu chez elle le sang des saints et des témoins de Jésus. Continue. Et je vis cette femme, ivre de sang et du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Oui. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Le prophète est étonné parce qu'il se rend compte que quelqu'un qui s'appelle de Jésus, en train de combattre quelqu'un qui est de Jésus. Mm-hmm. On se pose la question. Il est étonné de mais comment cette femme-ci, qui est censée servir le Christ, est en train de faire quelque chose anti-Christ. Mm-hmm. Continuons. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Oui. Donc en réalité, il y a la femme et il y a la bête. Il y a deux personnes. Oui. Il y a deux entités. Deux entités. Mmh. Qui a les sept têtes et les dix cornes. Oui. La tête que tu as vue était et elle n'est plus. Et elle n'est plus. Donc la bête, c'est une puissance. Et on veut le dire dans ce livre-ci que c'est l'Église catholique, elle naît des anciennes. Ça a été ressuscité des Roms anciens. Bon, parce que la Rome qui est là n'est plus, mais elle va réapparaître sous une autre forme. La voici en plein lendemain. Continuons. Elle réapparaîtra pour aller à la perdition. Elle doit monter de l'abîme, oui, et aller à la perdition. Oui. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtrait. Oui. Donc, reparaîtra. Alors maintenant, quand l'Église catholique, quand on parle comme ça, ceux qui sont de l'Église catholique et qui dont le nom n'a pas été écrit, ils ne sortiront pas de toute façon. Ceux dont le nom a été écrit dans la fonction du bête, de la fonction du monde, dans le livre de vie du Seigneur Jésus, vont sortir. Continuons. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Il va nous indiquer maintenant le lieu où la bête se trouve. Allons-y. Les sept têtes sont sept montagnes. Oui. Sur lesquelles la femme est assise. Stoppons donc là-bas. Maintenant, dites-nous. Sur cette terre, c'est où est le lieu où il y a sept montagnes? Ouvre Google. On va encore vérifier. En Italie, il y a beaucoup de montagnes, hein, parce qu'il y a la Suisse. Non, en Suisse, il y a beaucoup de montagnes. Ici, on a donné de façon spécifique. Oui, c'est pour ça que je dis non, parce qu'en Italie, la Suisse a beaucoup de montagnes, l'Autriche aussi. Mm-hmm. Alors, ça veut dire que l'Italie doit avoir moins de montagnes que la Suisse. Non, nous allons vérifier maintenant. Il n'y a qu'un seul lieu sur la terre, il y en a sept. Ah bon? Oui, Dieu n'est bégué pas celui qui a créé, non? Oui, oui. Voilà, disons. Oui. Tu y es dans Google. Oui. Tu tapes quoi? Je pense que c'est l'Italie. Sept montagnes. Allons-y. Rome. Rome. C'est où? Rome. Voilà. Sept collines. David, on a dit quoi? David, Rome, sept collines. Le Capitole, le Palladium. Donne-nous la liste, clique là-bas, on voit les noms. C'est les collines. Alors, maintenant, on dit que ici, le Seigneur veut nous indiquer là où la bête est assise. Là où la puissance a sa racine. Il dit encore la bête, les sept têtes sont. Ce sont aussi sept rois. Non, tu as sauté là, remonte un peu plus haut. Les sept. C'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Oui. Les sept têtes sont sept montagnes. Oui. Sur lesquelles la femme est assise. La femme est assise. Donc, la femme. En fait, la femme symbolise l'église dans la Bible. La femme, dans les terminologies bibliques. Ça symbolise soit l'alliance, soit le pays, un pays comme Israël, soit l'église. Mais si c'est une fausse église, elle est appelée une femme prostituée. Donc quand une prostituée, ça veut dire c'est une église qui est fausse. Et on dit que cette église qui est fausse est assise là où il y avait une puissance, c'est-à-dire une puissance du royaume. Parce que c'est l'ancien Rome, la puissance papale vient de l'ancienne puissance impériale. Donc en réalité, ça veut dire qu'il a deux casquettes. C'est pour ça qu'on parle d'une femme portée par une bête. Il est en même temps président de la nation, du Vatican, en même temps chef de l'église catholique. Maintenant, le plus grave, c'est qu'on indique exactement son lieu d'habitation. On dit que là où se trouve, c'est il y a sept collines. Et si vous lisez la Bible catholique, la version Jérusalem, en bas, ils mettent la note que les sept collines sont les sept collines de Rome. Quand j'ai lu ça, j'étais stupéfait. Il dit comment eux-mêmes ils peuvent donner cette interprétation-ci. Il dit, mais il ne se pose pas la question, mais il y a quoi donc à Rome sur lequel on a indiqué que ça se trouve à Rome? Il n'y a que le Vatican à Rome. Parce que Silvio Berlusconi, avec son gouvernement, n'influence pas la terre. Il n'y a que le Vatican qui est assis sur le peuple. N'importe où ça se trouve, l'exemple se trouve. Pas vrai? Quelle est la puissance qu'elle a pour se déployer sur tout le monde entier comme ça? On devait se poser la question. Elle n'a pas d'armes, dit sa famille. Elle arrive à imposer ce rythme même dans les nations musulmanes. Quand elle fait des réunions au Vatican ou n'importe où pour s'asseoir, son trône est différent du trône des imams, le plus constant, des Dalai Lama. Quand elle fait les réunions, c'est elle qui ouvre les réunions, c'est elle qui fait. Elle parle aux Nations Unies, les gens se prosternent. Les chefs d'État du monde les plus puissants, dont sont obligés de se prosterner et baiser sa barbe. C'est quand même terrible comme signe, pas vrai? Les chefs d'État du monde qui ont les objets nucléaires, le pape ajuste son chapelet avec son petit commandement là. On est obligé de venir se prosterner devant lui. Sa sainteté. Ça devrait poser des questions que pourquoi on le craint ainsi. On dit que c'est une bête terrible. Continue. Donc, vous voyez qui vous servez, n'est-ce pas? Là où vous êtes, n'est-ce pas? Etienne, Jomio. Tu comprends, n'est-ce pas? Hein? Est-ce qu'il y a une idée que finalement, Romio? Je lui dis, est-ce que tu n'es pas. Non, quand il veut finir, je vais vous poser les questions une à une. Ce sont aussi sept rois. Oui. Cinq sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Oui. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Oui. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept. Oui. Elle va à la perdition. Oui. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, oui, qui n'ont pas encore reçu de royaume, oui, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Donc la Bible parle de l'Union européenne, que l'Union européenne va se réunir, et vont donner leur autorité au pape. Et par la suite, ils vont rechercher les querelles au pape, et on va frapper le Vatican. Voilà la Bible telle que de nuit, voilà l'histoire qui est tracée dans la Bible. Le plus grave, c'est que c'est longtemps avant que l'Europe telle qu'on voit, la configuration telle qu'on voit, ne soit formée. Avant que le Vatican ne devienne le siège de l'Église catholique. C'est écrit longtemps avant que ça ne soit là-bas. Mais la Bible avait d'ailleurs identifié. Identifié le culte qui va s'y passer, identifié l'habit qu'on va porter, identifié l'or qui doit y être, tous les pierres précieuses qui doivent y être. Maintenant, on peut fermer la Bible. Étienne, ça veut dire couronne. Le mot Étienne, ça veut dire couronne. Celui qui est couronné de la grâce de Dieu et qui connaît les Saintes Écritures. Parce que le premier martyr de l'Église, c'était Étienne. Et quand Étienne a été tué, c'est parce qu'il expliquait l'Écriture différemment par rapport à tous ceux qui étaient là-bas, il y avait les pharisiens et autres là-bas. Et Étienne disait clairement, en montant le salut de Jésus-Christ, est-ce que Étienne qui est devant moi peut faire la même chose en restant seulement dans les Écritures? Hein, Étienne? Maintenant, dans quel camp te trouves-tu? Dans le camp des catholiques ou le camp de Jésus? Dans les prières. Dans les prières. Tu vas prier comment alors? Parce que Notre Père. Notre Père. Et quand tu fais le signe de croix. On fait le signe de croix comment? Oui. Vous voyez, une fois de plus en faisant ça, ça montre que vous êtes anti-chrétien. Parce que quand tu fais ça, c'est le croix renversé. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Si vous faites, quand vous faites le signe de croix, vous remarquez que c'est la croix renversée. Fais encore. Tu connais le signe de croix, non? Ben oui. Même si c'est toi qui fais, c'est le signe de croix. Vous tous, vous faites ça, c'est le croix renversé. C'est quoi, c'est renversé? Mais quand tu devrais faire, oui, c'est plus flagrant. C'est pour ça que je voulais chacun va faire, tu vas voir. Mais je vais pas attirer l'attention sur ce qu'il fait. Non, moi, pour le voir, il faut qu'il le fasse. Vas-y, Étienne, regarde. Vous avez vu cela? Normalement, c'est... Oui, je le vois parce que c'est plus long qu'ici qui reste plus court. Donc la partie qui est censée être en haut, la barre, est plutôt en bas. Mm-hmm. C'est la croix renversée. La croix renversée. C'est-à-dire quand tu fais là, regarde, tu viens là. Là c'est plus long. C'est plus, de là à là. Est plus long. Mm-hmm. Maintenant, tu viens de là à là. Mm-hmm. De là à là est plus long que de là à là. À là. Mm-hmm. De, tu comprends ici. Regarde. Non, non, c'est simple. Donne-moi le stylo. Nous allons dessiner les croix. Voici normalement comment la croix doit être. Au nom du Père. Voici la croix. Oui, oui, c'est ça. Ce que vous faites, c'est comme ça. Voilà, effectivement. Oui. La distance. Ça. Tu as vu ça? Ici, tu as bien vu, n'est-ce pas? Ça, c'est la croix renversée. Et ceci, c'est une doctrine antichrist. Le plus long, tu as vu? C'est ce qu'on vous fait chaque fois. Que lui l'a fait. Oui. En tout cas, tout le monde le fait. C'est ce qu'il faut. Personne ne peut faire ceci. En réalité, quand il fait ça, c'est plus visible. Qu'il fasse n'importe comment, ça peut pas être. J'ai bien vu quand il a fait. Or, maintenant, il y a toi, le Père, le Fils, et puis il y a le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ça fait trois. Allons-y. Le quatrième, c'est où? Allons-y. Au nom du Père. Quand c'est du Père, tu mets la main. Au nom du Père. Il y a un de trop, c'est vrai. Chaque jour, quand je fais le signe de croix, je le vois. Du Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ici, c'est quoi? Allons-y, explique-moi donc. Oui. Non, non. Allons-y avec toi. Tu t'appelles comment, Anne? Hein? Oui. Allons-y. Le Saint-Esprit, Père. Je parle. Le Saint-Esprit, on le fait en deux. Donc, il y a deux, il y a quatre ou il y a deux? Non, il y a trois personnes, non? Oui. Il y a le Mais Père. On fait au nom du Père, du Fils. Le Saint-Esprit, on le divise par deux, on fait comme Pourquoi? Ça. Pourquoi? Saint et Esprit. Donc, Mais Saint sinon, est seul, Esprit est seul. Oui. Donc, le Saint est seul et l'Esprit et est seul. Le seul. Ah. Vous voyez, le vrai problème, justement, c'est quand il pose ça, parce qu'en fait, vous ne vous posez pas de questions. C'est de réfléchir à ce qu'on fait. Vous devez réfléchir à ce que vous faites. Mm-hmm. Pourquoi vous le faites? Quand vous faites comme ça, ce sont des points cardinaux de votre corps pour ouvrir votre corps au champ magnétique des démons. Donc, vous avez des problèmes. Ça ne joue nulle part dans les Saintes Écritures. Junior, oui. Tu peux aller te coucher. Non, non, je ne vais pas me coucher. Tu sais pourquoi j'aime? Parce que Junior est en train de répondre à plein de choses qui étaient dans ma tête et que je n'ai jamais osé poser des questions. Il l'a sorti. Tous les jours que je sors de chez moi, je fais mon... le signe de croix. Et je me dis toujours, mais toi, tu dois mal la faire, j'ai même honte. Parce que je me dis qu'il y a un morceau que j'oublie, que j'ai dû oublier. Parce que au nom du Père et du Fils... Et du Saint-Esprit, je fais ça. Je fais ça, là, c'est quoi? Alors je me suis dit, peut-être que c'est. Alors quand je fais. Non, je dis, Saint-Esprit, tu passes rapidement là-bas. Là, parce que je me dis, sinon j'ai lâché un. Et je te jure que ça m'arrive. Tous les matins, j'y pense. Bon. J'ai jamais pensé. Le signe des croix vient des adorations païennes. Donc gardez-moi à l'esprit qu'il n'y a aucune doctrine catholique que vous allez sortir là qui est biblique. Aucune. Okay. Donc l'Église catholique ne sait pas le Dieu de la Bible. Je vais respirer. Mais le Jésus qu'on a crucifié sur la croix, c'est comme ça, nous on voit comme ça. C'est mais pas comme il ça. A fait la croix. Voilà, la croix. Si vous voulez la croix, si où tu peux regarder, il y a Jésus, c'était pas comme ça. Voilà. Ça, il a été crucifié. Parce que lorsqu'on fait la main comme ça, la main est plus proche de la tête. De la tête. Et le corps est long là-bas au-dessus de lui. Ça, c'est vrai, oui. Ouais. Maintenant, quand ce que tu fais là, plutôt comme ça, Laurent, c'est le c'est une croix comme un plus. La partie plus longue est plutôt en haut. C'est la croix renversée. Donc, la croix renversée, c'est l'antichrist, donc l'antichrétien. Et tu le trouves dans beaucoup de clips, oui. De clips musicaux, des satanistes. Oui, les satanistes, les croix renversées. Même parce que même il y en a qui ne sont, sont pas catholiques, qui mettent des croix. Tu as des croix celtiques, oui. Tu as plein de croix. C'est pour ça que ce n'est pas dit là. Voilà. Alors, Anna nous avait dit grâce. Anastasia. Mm-hmm. Tu vois maintenant que, qui tu sais, n'est-ce pas? Là où tu étais ce matin, là où tu as les chairs de poule. Peut-être c'est l'Esprit Saint qui te dit sors de là-bas, c'est pas bon. Et tu penses plutôt qu'il faut plutôt rester. Qu'est-ce que tu as en fait maintenant? Donc en réalité, maintenant, mm-hmm. nous allons lire le dernier verset pour nous montrer clairement ce que Dieu dit dans ces conditions. Non, elle est cassée. Hein? Non, elle est vraiment cassée. Non, elle est cassée. Ouvrons la Bible dans Actes des Apôtres. Là, on va finir. Il va vous passer la main. Actes des Apôtres, chapitre 17. Acte chapitre 17. Maman, je peux aller boire un verre d'eau parce que j'ai beaucoup parlé. Hein. Vous, vous avez parlé. Mais on peut t'apporter, non, ça tant qu'il nous lit, tu lis très bien. Mm-hmm. On peut t'apporter ça, non? Attends, je vais y aller. Oui, quoi, elle a eu sa dose. Quoi. Elle est... Non, qui ça, moi? Moi, j'ai imprégné. Moi, je suis délivrée. C'était la traductrice maintenant. Je suis délivrée. Quand tu vois les pasteurs, il y a toujours quelqu'un qui te tourne les pages de la Bible. Alors, acte des apôtres. Moi, je voulais de l'eau. Acte des apôtres, chapitre 17. Chapitre 17, je l'ai déjà. Oui. Maintenant, lisons à partir du verset 20 jusqu'au verset 30. Hein. J'attends qu'ils arrivent ou bien. Vous y êtes. Moi, j'y suis, mais j'attends ou bien on peut continuer. Je crois que ce serait bien de commencer à partir du verset 16. À 16, tu as dit 20. Hein? Mm-hmm. 16 à 30. 16 à 30. Oui. Comme Paul les attendait à Athènes. Oui. Au-dedans de lui, son esprit s'irritait. Oui. À la vue de cette ville pleine d'idoles. Donc Paul était à Athènes. Athènes, c'est Athènes. La tu connais bien Athènes. Oui, c'est à côté de chez vous là. Et maintenant, tu vois effectivement qu'il a vu la ville pleine d'idoles. Ouais. Et Athènes était reconnue comme la capitale des monuments. Donc, ce que les gens appelaient monuments, la Bible appelle ça idole. Alors, disons. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Oui. Et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Oui. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens oui. se mirent à parler avec lui. Oui. Et les uns disaient, oui. que veut dire ce discours eux? Oui. D'autres l'entendant annoncer Jésus et la misérie et la résurrection disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Oui. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Oui. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Oui. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Oui. Or, tous les Athéniens oui. et les étrangers demeurant à Athènes oui. ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Oui. Paul, debout, au milieu de l'aéropage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous les égards extrêmement religieux. » Donc, c'était les gens qui étaient religieux. Mm-hmm. Oui. « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, oui. j'ai même découvert un autel avec cette inscription oui. à un dieu inconnu. Oui. Et ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Oui. Il n'est point servi par des mains humaines. Oui. Comme ils avaient besoin de quoi comme que ce soit. Besoin. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Oui. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes les choses. Et toutes choses. Oui. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur la surface de la terre, oui. ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Oui. Il a voulu qu'ils cherchassent en tâtonnant. Le Seigneur, et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Oui. Mm-hmm. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Oui. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Oui. De lui, nous sommes la race. Oui. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, oui. sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Vous entendez ça? C'est la Bible, ça, non? On ne peut pas croire ça. Que Dieu doit être assimilé à quelque chose qui est sculpté. Continuons. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, oui. en tout lieu, oui. qu'ils aient à se repentir. Attends, maintenant je vais dire ça avec mes mots. Ça, c'est mon grand frère qui l'avait dit. Dieu, sans tenir compte du fait que vous étiez ignorant. Sans tenir compte du fait que vous étiez dans le catholicisme et que vous adoriez. Maman, tu vas lire devant nous. Non, elle écoute, maman écoute depuis. Oui. Je recommence encore. Vous étiez apocalypse, non? Oui. Hein? J'écoutais tout, mais en même temps. Ah oui, en même temps. Alors écoutez très attentivement. Mon grand frère a dit, il a dit à ce peuple-là, parce qu'ils étaient, un, ils étaient extrêmement religieux. Deux, ils avaient fait tellement des idées au point où ils avaient tellement mis les différents noms, au point où ils ont oublié, ils en manquaient même de noms. Il leur a dit, je vous trouve extrêmement religieux car en parcourant votre ville et en observant les objets de votre adoration, de votre dévotion, j'ai même vu un hôtel sur lequel est écrit un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Dieu qui a fait le ciel et la terre, tout ce qui se trouve, n'habite point dans le temple fait de main d'homme. Il n'est point servi par les mains d'homme comme s'il a besoin de quoi que ce soit. Lui qui nous donne tout ce dont vous avez besoin. D'accord. Que Dieu là, a voulu que chaque personne le cherche à tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin à côté de chacun de nous. Maintenant, il dit ceci. Dieu donc semble tenir compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire, ça, vous le faisiez dans l'ignorance. Il appelle maintenant. Maintenant, c'est-à-dire qu'à l'heure où nous sommes. À partir de maintenant. Ça suppose que maintenant, là, vous n'avez plus de choix. Vous n'êtes plus ignorant. Vous ne pouvez plus dire que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez plus ne plus. Il appelle maintenant Anastasie. C'est comme la fille de mon président. Le président s'appelle Anastasie. Il appelle maintenant Étienne. Tu sais que le premier matin, c'est Étienne. Il appelle maintenant Claire. Tu sais que maintenant, c'est plus clair pour toi, plus que ton nom. Il appelle maintenant mon autre chère Anne-Marie. Donc, deux figures de la Bible. Anne qui avait prié dans la Bible parce qu'elle a eu l'enfant. Anne encore, la prophétesse qui avait prié jusqu'à voir Jésus. Et puis Marie qui a enfanté Jésus. Toi encore, tu n'as même pas d'excuse. Il dit qu'il appelle maintenant que vous ayez à vous repentir. Repentir pourquoi? Parce qu'en réalité, dans l'ignorance, on a adoré un autre Dieu autre que Dieu. Et il faut donc se repentir. Que maintenant, tu ne peux plus. Oui, ne peux plus. Puisque tu ne peux plus dire que tu ne sais pas. Exactement. Donc Dieu vous invite à la repentance. Dieu vous invite, vous tous, catholiques, n'importe où. Maintenant, à Lisbonne, c'est Lisbonne, n'est-ce pas? Mm-hmm. La capitale de Portugal. Mm-hmm. En plein Lisbonne, se trouvent ces grandes statues. Fatima. À Fatima. Mm-hmm. Si les gens nous écoutent maintenant à Lisbonne, maintenant, qu'est-ce que tu leur dis clairement? Mm-hmm. Si les gens nous écoutent maintenant sur Bambaïba à Lisbonne, mm-hmm. qu'est-ce que tu leur dis? Ou par rapport à l'Église catholique, par rapport à tout ce que tu as écrit, par rapport à tout ce que tu as entendu là, mm-hmm. qu'est-ce que tu pourras dire à ta population de Lisbonne ou Portugal? C'est-à-dire que s'il y avait un conseil à donner, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ce que tu as découvert aujourd'hui? Alors, j'ai découvert que pour moi, aujourd'hui, Marie reste la maman de Jésus, mm-hmm. mais qu'elle n'est pas quelqu'un à idolâtrer, mm-hmm. qu'elle est une image, on se sert d'une image ou d'un prête-nom, mm-hmm. et que derrière, soi-disant, la maman de Jésus mm-hmm. se cache... Dis-le, seul de ta bouche. Seul de ta bouche. Un démon. Oui, parce qu'il y a. Ils vont pas te croire, ils vont te traiter de folle. Mais là, on a lu effectivement les écrits. C'est pas question qu'on va te traiter de folle. Je pense que je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière personne à avoir lu la Bible. Maintenant, c'est de savoir l'interpréter, de comprendre. Je pense que je l'aurais lu, comme je lui ai dit tout à l'heure, la reine du ciel, je ne saurais pas ce que ça voudrait dire, parce qu'on le sait du moment où on va rechercher sur Internet et qu'on ne fait pas tout le temps des recherches, qu'on lit la Bible. Mmh. Et j'ai eu à lire la Bible, mais je ne l'ai pas comprise. C'est pour ça que j'ai dit je voudrais réapprendre à lire la Bible, parce que je ne l'ai pas comprise. Mmh. On a lu dans une vie, on a déjà lu la Bible, on l'a appris au catéchisme. Mm-hmm. Il y a beaucoup de passages que j'ai lus, je ne m'en rappelle même plus. Mm. Les gens nous écoutent maintenant à Manille, aux Philippines, à Cancun, au Mexique. Les gens nous écoutent maintenant du côté de Bogota. Les gens nous écoutent maintenant en plein Argentine. Les gens nous écoutent maintenant à Lisbonne et dans ses alentours. Ils ont un petit hôtel à côté avec la carte Michael, avec le petit couteau et Marie, la mère là-bas, consolatrice, tout juste à côté. Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que je dirais à elle? À ceux-là, ces personnes qui ont adoré ce mari-là avec les statues-là chez eux. À tous ceux que moi, personnellement, je ne leur dirai rien parce que moi, c'est moi. C'est moi. Eux qui sont dans l'ignorance aussi, ils n'ont jamais suivi ce que tu as suivi. Ah, je peux leur expliquer comment ça. Je peux leur dire que ce n'est pas une vierge, c'est la maman de Jésus. Comme on peut aimer sa maman, on peut aimer la maman de Jésus, oui. Mais qu'on ne peut pas l'idolâtrer. Mm. On doit idolâtrer que Dieu, mais ça a toujours été dit. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cet hôtel-là, avec ces différentes personnes ? La détruire. On commence par toi. Qu'est-ce que tu fais aussi ? Moi, je vais détruire ma vierge. J'avais l'intention avant de finir. Hein. Amen. Bah oui. Amen. Mais... Applaudissons pour elle. Bah ça, non, mais... Mais c'est juste que j'avais besoin de... C'est pas de preuve d'être plus sûr de moi, mais dès que vous avez dit la première phrase, je savais que je l'aurais fait parce qu'en même temps, ça ne veut rien dire. C'est une image qui a amené cette image. Qui peut dire qu'elle s'est mariée? Voilà, c'est question. Tout. C'est vrai que c'est en même temps, c'est juste qu'on a besoin des fois d'avoir des explications. Voilà. Mais c'est même pas des explications. C'est qu'on est des supports. Ouais. Parce que je pense qu'on a des choses. Comme le signe de croix, il est tellement logique, je veux dire. Je pense que ce n'est pas un manque de ce que j'ai, c'est, moi je parle pour moi, c'est je ne sais pas poser des questions. Parce que ce sont des choses, comme je disais à Mimi, je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas à la recherche de quelque chose. Des choses me viennent. Le signe de croix, ce n'est pas nouveau. Quand vous l'avez dit, ça m'a... Parce que c'est un truc que je vis tous les matins. Chaque fois, je me dis, j'ai lu un passage du pape, c'est ta maman qui me l'a envoyé, où il dit, avant de manger, avant de rentrer dans la maison, avant de sortir, quand tu rentres chez toi, de faire le signe de croix. Le pape qui a dit ça? Oui, le pape François. Tout récemment, il avait dit pour les prières tout dernièrement, il a encore dit d'autres choses, mais ça, il disait aux gens que même ceux qui ne savent pas prier, ils parlent de l'éternité, ils parlent de plein de choses, et il disait de faire le signe de croix. Et je me suis dit, bon, j'ai toujours fait le signe de croix. Sincèrement, c'est un automatisme. Voilà. C'est un automatisme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que désormais... Maintenant, je dois éviter de le faire. Voilà. Non, tu ne dois plus le faire. Tu vas t'abstenir de le faire. Non. C'est pour ça que je dis, je dois éviter. Parce que c'est un automatisme. Oui. Ce n'est pas quelque chose que tu fais. Oui. Donc, il faut Quand tu choisis de prier, tu prends le choix de prier. Alors, tu es dans cet état d'esprit, tu pries. Mais quand tu as un automatisme, ça veut dire... Le geste se fait sans réfléchir, automatiquement. Ce sont des habitudes. Mais c'est un automatisme, c'est parce que ça vient tout seul. Mais c'est vrai que quand... Parce que même quand je fais le signe de croix, il y a deux choses. On a tous ici tendance à faire le signe de croix et on dit rien. Et quand tu le fais comme ça, ça va. Mais quand tu dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, logiquement, il y a un arrêt qui se fait. Ça, avant qu'on en parle, tous les jours j'ai un arrêt parce que j'ai l'impression que je me dis tout le temps qu'il y a quelque chose que tu as oublié. Justement. Parce que j'ai un point qui est vide. Peut-être quand un de ces jours, quand les catholiques vont se rendre compte qu'il y a un point qui est vide, ils vont mettre Marie là-bas. Quoi. C'est possible. Voilà. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Anastasie, courage, d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire de Marie, Marie et des statues? J'ai pas de Marie et des statues. Tu as quoi? Donc tu étais une fausse catholique alors? Non. Ça aurait été mieux pour toi d'être une fausse catholique. J'ai mon chapelet. On n'a pas fini. J'allais venir avec le chapelet aussi. J'ai la foi. Non, c'est le chapelet que nous avons mis, ce qu'on appelle le rosaire. Le rosaire, c'est en 12 saints. Saint-Antoine de Padoue. Wonderful. Ouais, parce que moi j'ai encore deux questions. Moi j'ai pas fini. Moi j'ai le chapelet et les saints. Oui. Quand j'aurai résolu les deux là, oui. Je serai déjà. Oui. Bon. J'ai eu déjà beaucoup de questions qui ont été réglées que vous avez. En tout cas, dans la mouvance de l'explication ici, on devrait déjà se poser la question à quoi joue l'Église catholique avec vos cœurs. Si déjà tout ce que nous avons vu depuis le baptême jusqu'à tout ce qui est l'adoration là, c'est pour nous pousser à adorer autre personne que Dieu. Donc il faut se poser la question pour autre. Maintenant vous parlez de Saint-Antoine de Padoue, quoi. Il y a plein de saints. Il y a Saint-Castor, Saint-Victoire. Maintenant il y a même saint, il y a eu d'autres saints. Il y a Saint-Jean-Paul II, qu'on venait de canonier. Ah bon? Il y a lui aussi, il a été. Oui. Il y a eu. Comment elle s'appelle la dame là? Tu te rends compte que tu peux prier C'est terrible. Non, pas Saint-Thérèse. Tu peux Saint-Jean-Paul II. Qui était à. Saint-Béatrice. Béatrice. Non, en Inde. Marie de Saint-Thérèse. Saint-Thérèse. C'est terrible, pas vrai? Bon, je te dis, je te pose la question. Quand je te pose la question, tu vas me répondre. Et je pose la question, je profite pour poser la question. Qu'est-ce que la Bible appelle par saint? Quelle est la condition pour être saint, d'après la Bible? Et là, il faut répondre, nous allons voir la religion catholique face à la Bible. Moi, c'est ça que. C'est pour ça que je dis je voulais savoir par rapport au saint. Parce que pour moi, saint, c'est quelqu'un qui est supérieur à nous tous, qui est un être humain que Dieu aurait choisi par rapport aux bonnes choses. Bon, on va lui a demandé de faire. On va aller doucement. Nous allons construire ces choses-là doucement avec les arguments bibliques. D'accord? Il y a le ciel. Il y a les logis au ciel. Il y a la terre, il y a les logis sur la terre. Il y a les habitants de la terre et les habitants du ciel. Il faut un intermédiaire, d'accord? Il faut un intermédiaire entre le ciel et la terre. Et cet intermédiaire-là doit connaître et le ciel et la terre. La seule personne qui a pu jouer l'intercession ou l'intermédiaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit lui-même que personne n'est monté au ciel, ce n'est que celui qui est descendu. Quand il est descendu du ciel, il peut nous dire des choses qui sortent du ciel. Parce que lui, il sort de là. Et quand il est sorti du ciel, il est venu pour nous apporter la bonne nouvelle. Quand il a fini d'apporter la bonne nouvelle, il a dit dans Jean 14 que « Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. » Jésus a dit ça. Donc quand il quitte la terre, il donne la promesse à disciples, « Je m'en vais vous préparer une place. » Il dit « Quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Il a promis de revenir. « Je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez. » Jésus-Christ est par cela donc le garant même d'une alliance éternelle. excellent en qui on peut faire confiance sans crainte. Il est par cela même le garant d'une intercession qui dure à jamais. C'est lui le Melchisédek de la Nouvelle Alliance. Par conséquent, nous pouvons donc, sans risque de se tromper, se confier en lui sans préméditer quoi que ce soit, sans avoir crainte. Mais maintenant, prenons tous les autres personnes que vous appelez saints. Vous êtes sûr que Jean-Paul II est en enfer ou au paradis? Jean-Paul II. Qui a décidé que désormais on va l'appeler Saint Jean-Paul II? Qui a décidé? Les hommes. Les hommes. Et en plus de cela, on a décidé qu'on va l'appeler saint quand il est mort. De son vivant, est-ce qu'on l'appelait saint? Est-ce que le pape qui est là, on l'appelle saint? Vous serez supprimé, on va lire la Bible. Non, il va. Colossiens chapitre 1. Donc, l'Église catholique, il y a des critères de canonisation. Ces critères-là, parmi les critères de pour pouvoir canonier quelqu'un, il dit qu'il est saint, il faut que les bonnes œuvres de la personne ait marché selon la doctrine catholique et autres, de façon irréprochable, d'après la doctrine catholique. Mais c'est parce que la Bible déclare. Vous allez voir maintenant comment quelqu'un est saint d'après Dieu. Après avoir déclaré, montré comment quelqu'un est saint, on va dire maintenant quel est le rôle d'un saint. Le rôle du saint, qui que ce soit, n'est pas d'intercéder pour les morts ou bien quand il est mort. Il n'y a aucun saint qui intercède, aucun. C'est Jésus seul qui intercède. D'accord? Colossiens chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce que ça dit? Paul, oui. Apôtre de Jésus. Écoutez. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Oui. Par la volonté de Dieu, oui. Et le frère Timothée, oui. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Voilà. Si tu ouvres un livre et tu vois ça, on appelle ça quoi? En Orient, voici les livres sur la table ici. Mm-hmm. Lorsque tu ouvres un livre en première page, quand tu vois ça, qu'est-ce qu'il en est de faire? Ça, c'est le début du livre, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il présente l'auteur de l'écrit, mm-hmm. et le destinataire. C'est pas ça? Mm-hmm. Relisons encore. Paul, apôtre de Jésus, oui. Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée. Donc, il y a Paul et Timothée. Oui. Oui. Aux saints et fidèles. Oh, donc Paul et Timothée. Mm-hmm. Oh, donc voici ceux qui écrivent. Paul et Timothée. Mm-hmm. Ils s'adressent aux, n'est-ce pas? Aux saints. Non, j'arrive aux saints. Mm-hmm. Alors, nous, je voudrais qu'on comprenne vraiment la structure de ce texte-là. Il est question de Paul et Timothée qui écrivent à certaines personnes. Mm-hmm. C'est ça qui me permet de comprendre. Alors, Colosse, c'est une ville, encore une fois de plus, en Asie mineure, n'est-ce pas? Alors, par conséquent, il est en train d'écrire cette lettre ici à des personnes dans une localité bien déterminée. N'est-ce pas? Maintenant, quand il dit « oh », il dit « aux saints et fidèles qui sont en Jésus-Christ à Colosse », n'est-ce pas? Et puis, il les salue. Il dit que la grâce vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père. Maintenant, je pose la question. Quand la lettre arrive à Colosse, nous sommes à Sali ici. Sali, c'est dans la région de Mbourg. Maintenant, supposons que Colosse soit ici et que Timothée quitte Thiès, par exemple. Il arrive ici, là. Il arrive à Mbourg. Il arrive dans cette maison-ci. Quand il lit la lettre, qui est-ce qu'on appelle saint? Ce sont les gens qu'on a, les tombes qui sont derrière. Mm-hmm. Est-ce qu'ils saluent les gens qui sont dans la tombe? Mm-hmm. Ils saluent les êtres humains. Mm-hmm. Parce que ces gens, si on fait alliance avec Christ et le sacrifice de Christ, a parlé pour les nettoyer. C'est-à-dire que ce sont les gens qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus. Mm-hmm. Autrement dit, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, la Bible l'appelle saint. Pas quand quelqu'un meurt. Aux saints et fidèles frères. Voilà. J'ai vu cela. Qui sont à Colosse. D'accord? Allons dans 1 Corinthiens chapitre 1. Quand vous lisez l'Église catholique, vous lisez les doctrines catholiques, vous êtes frappé par la négation de la Bible. Vous lisez la Bible, vous êtes frappé par la négation de la Bible vis-à-vis de l'Église catholique. Il a dit Colossiens, 1 Corinthiens cette fois-ci. On y va. Mm-hmm. Ça, c'est 1 Corinthiens. Lorsqu'on va finir, on va encore lire 2 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 encore. Paul, oui. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ, oui. Par la volonté de Dieu, oui. Et le frère Sosthène. Donc, une fois de plus, c'est Paul, cette fois-ci, et Sosthène. Oui. Sosthène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, il avait écrit à l'église de Dieu, oui. À ceux qui ont été sanctifiés. À ceux qui ont été sanctifiés. Donc, ce sont ceux-là qu'on appelle saints, d'accord? En Jésus-Christ. Oui. Appelés à être saints. Donc, la lettre est destinée aussi à ceux qui, plus tard, on va leur enseigner pour qu'ils soient aussi sanctifiés. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Oui. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est le nôtre, dit la Bible. Alors, ça veut dire que ça te concerne aussi, parce que là, nous évoquons le nom du Seigneur Jésus. Allons dans 2 Corinthiens, maintenant, cette fois-ci. Vous voyez comment c'est circulant, n'est-ce pas? Mm-hmm. plus que le foufou qu'on a, même, qu'on a mangé là-bas. On va à Colo. 2, ça c'est 1 Corinthiens même. 2 Corinthiens. Oui. Chapitre 1, verset 1 encore. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. L'Achaïe. L'Achaïe. Voilà. Donc, on voit effectivement qu'il y a une façon spécifique. Il dit que la lettre est adressée à l'église de Dieu à Corinthe et à toute l'Achaïe. Parce qu'en réalité, l'Achaïe, c'est toute une région. Et puis, le Corinthe, c'est une localité de cette région. Donc, s'il écrivait dans la région de... Ça, c'est la région du Bourg. Alors, Il dirait... Il parle seulement de Salé. Voilà, voici, il y a Bourg et il y a Salé. Il va dire Paul, l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Quoi? Il dit à l'église de Dieu qui est à Salé et à tous les saints qui sont à Bourg. En Bourg, d'accord? Tandis que dans tous les endroits qui se trouvent là, les chrétiens qui sont là-bas sont les saints. Ok. Alors, ça veut dire que pour l'église catholique, on est saints. Il faut, c'est eux qui déterminent qui est saint après la mort. Alors que la Bible déclare que quand tu es vivant, on peut savoir si tu es saint. La condition, c'est est-ce que le sang de Jésus-Christ a été appliqué à ta vie. Si le sang de Jésus-Christ a été appliqué à ta vie, tu es appelé. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne suppose pas ce titre-là. Ce n'est pas qu'en disant que je suis saint, comment dire, donc tu veux me dire que tu ne pêches pas. Ce n'est pas ça dont il est question. Vous voyez, c'est parce qu'en réalité, il écrit ici à ces saints pour les corriger. Il y a certains saints ici qui marchaient dans la voie du péché. Oui. Et malgré cela, ils étaient saints. Saint, oui. Vous voyez? Le mot saint dans la Bible ne se colle pas à un être humain parce qu'il n'a pas péché. Ça se colle sur nous tout simplement parce que nous avons fait alliance avec Jésus et la sainteté de Jésus-Christ parle en notre faveur. C'est pour cela. D'accord? Donc, vous voyez, une fois de plus, l'Église catholique face à la Bible, l'Église catholique ment. Si donc les saints sont présentés comme les vivants et tous les vivants, nous prions en croyant au Seigneur Jésus. Pas besoin maintenant que c'est moi qui prie pour vous. Or, la Bible déclare qu'on prie les uns pour les autres. Vous voyez, je dois prier pour toi, tu dois prier pour moi. C'est ça le ministère chrétien des exhortations mutuelles et des prières mutuelles. Donc ne vous attendez pas que quand il va mourir, ne vous dites, oh Seigneur, le Saint Frère Junior qui est auprès de toi, ça c'est la sorcellerie. Ne faites pas ça. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà. C'est réglé, n'est-ce pas? L'autre point maintenant, c'est le culte des morts. La prière pour les morts. Jusqu'à ce que l'Église catholique aille aller jusqu'à décréter un lien de mercredi, de cendres, et ainsi de suite, par la propre prière des morts. Vous connaissez ça au moins, n'est-ce pas? On prend les cendres de mort, on met sur la tête. Mais c'est très grave. Il n'y a pas de haut sommet de sorcellerie plus que cela. Moi, ça va. Hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait tout ça. Okay. Donc, en clair, si vous restez dans l'église catholique, sachez que vous énervez Dieu. Parce que Dieu a dit tout à l'heure dans Jérémie chapitre 7, verset 18, qu'ils font toutes ces choses-là afin de m'irriter. Donc, si vous restez dans l'église catholique, vous irritez le Seigneur. Ça, c'est l'air de l'église catholique. Il faut que les gens sortent de là. Je vous ai annoncé ce qu'il y avait à annoncer concernant ce que vous posez des questions, les réponses viennent. Le chapelet. Le chapelet n'a rien à voir, ça n'a même pas d'histoire biblique, c'est là. Le chapelet, c'est ce que vous appelez le rosaire. Ça n'existe pas, ça n'ose sans. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Okay. J'ai dit, chaque fois que vous allez poser une question catholique. C'est pas un sujet en fait. C'est même pas un sujet, parce que ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est pour ça que je voulais le savoir. J'ai lu ça aujourd'hui. Le chapelet est venu. Le chapelet est venu avec le rosaire, ce qu'on appelle le rosaire. C'est ce qu'il lit ici tout à l'heure quand il parlait des franciscains et des dominicains. Les franciscains ont donné le chapelet, les dominicains ont donné le chapelet, les franciscains ont donné le chemin de la croix. Vous faites le litanie Vous voyez, vous faites les mêmes choses, les bouddhistes font la même chose, les musulmans font la même chose. C'est en ce sens que les catholiques, c'est l'église universelle. Ils peuvent se paganiser à l'intérieur, donc le bouddhiste vient, il se trouve le con. Pendant que tu as fait ta croix, tes chapelets comme ça, le musulman à côté fait la même chose. Le bouddhiste, même, vous savez pas le même Dieu, vous êtes des païens tous là. Alors Jésus a dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Parce que le catholicisme enseigne qu'on a quand même besoin de support. Dieu a dit qu'on n'a pas besoin de support. Dieu est esprit. Dieu contacte les gens ici. Ici, dans le cœur. Tu n'as pas besoin de ça. Si vous avez besoin de support, Satan ne passe pas les supports. Dieu veut contacter les gens de cœur à cœur. Cœur à cœur. Quand tu veux prier, Jésus a dit quand tu voulais prier, ne récitez pas de vaines paroles comme font les païens. Mais justement, quelqu'un s'assoit là-bas, il dit 150 jours, Sarah, il n'est pas fatigué. Je viens d'entendre ça. Comment ça? Je l'ai entendu ça. Tu entends? Quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles. Tu entends? Est-ce que ce n'était pas Kanguka? C'est Kanguka qui a. C'est un Burundais aussi. Oui, il a dit quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles qu'on répète comme ça. En tout cas, si je me dis vaines paroles, ce n'est pas la prière. Parce que si toi, tu as besoin de ce livre-ci et tu ne peux pas l'avoir, tu pars, tu te mets à genoux, tu demandes à Dieu. Tu n'as qu'un seul sujet, c'est le livre que tu veux. Tu as le sujet, tu veux ce livre-ci. Et Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Donc, il faut un besoin. Tu as un besoin sur le cœur. Et tu dois faire connaître ce besoin-là à Dieu par des prières. Je m'approche de Dieu. Quelle est la formule dont il a dit? Il a donné, il a dit, quand je vais prier, je prie le Père au nom de Jésus. Donc, c'est en vertu du mérite de Jésus que je viens pour vous demander cela. Sans cela, je n'avais pas accès. Alors, comme Jésus a fait quelque chose, il a accompli pour nous et il nous a tracé une voie pour suivre, je viens derrière Jésus. Père, je viens au nom de Jésus-Christ te poser cette doléance. J'ai besoin de tel livre. Merci de me l'accorder au nom de Jésus. Amen. Je viens de placer ma demande. Voilà la prière. Parce que c'est ça que j'ai besoin. Si demain j'ai besoin d'une goutte d'eau, je vais vers Dieu. Il parle de la goutte d'eau. Mais maintenant, vous avez votre, vous appelez ça la litanie, la chapelet. Tu as besoin de livres. Sainte Marie, Mère de Dieu. J'ai long, c'est pas possible. Là, je suis d'accord, j'arrive pas. J'ai essayé, j'arrive pas. J'ai dit, mais punaise, ils n'auraient pas pu trouver plus court. Un, je vous salue Marie. Deux, trois, quatre. Quand j'arrive à 10, je suis là. J'ai jamais fini un chapelet. Et là, je. Et ça te culpabilise maintenant. Oui, et ça me culpabilise. Oui, c'est là. Oui. Ça veut dire que quand tu veux voyager. Tu veux pas te coucher là, chantant. Va te reposer un peu, tu es fatiguée. Maman veut comprendre. Elle est fatiguée. Viens t'allonger là. Alors, comme ça, si tu somnoles, comme ça, je suis bien son cœur, moi. Dans son cœur, ça, ce qu'on dit là, ça, c'est ce que dans son cœur. Et donc, vous avez besoin de l'eau. Vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu. Tu as besoin du portable. Tu dis Sainte Marie, Mère de Dieu. Tu as besoin du mouchoir. Sainte Marie, Mère de Dieu. Du canapé. Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc, c'est une clé. Vous avez une clé qui ouvre toutes les portes. Y a-t-il une clé qui ouvre toutes les portes? A besoin spécifique, prière spécifique. A besoin spécifique, demande spécifique. A besoin spécifique, demande spécifique. Quelqu'un veut composer, un enfant compose un examen. Vous voulez que le Seigneur lui accorde la grâce de passer. On lui dit, Seigneur, je souhaite que tu fasses passer mon enfant. Voilà le souhait. Tu dis, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'examen? Vous voyez que c'est une bêtise vraiment si on s'en sort à réfléchir, n'est-ce pas? Alors il faut qu'on change. Cessez d'être catholique, tout simplement. Soyez chrétien. Ou mieux, soyez disciples du Seigneur Jésus. Et si vous êtes, il n'y a pas de disciples du Seigneur Jésus Christ qui est catholique. Vous suivez, n'est-ce pas? Si vous êtes disciple du Seigneur Jésus Christ, c'est impossible d'être disciple du Seigneur Jésus Christ et être catholique. C'est impossible d'être catholique. Mais on fait l'amalgame. Mais on fait l'amalgame souvent. Oui. On mélange. Ici, on mélange. Moi, je veux dire. On mélange. Oui, quand tu dis je suis catholique, les gens ne comprennent pas. En tout cas, ça n'a pas de sens de biblique. Voilà. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de catholique. Il y a seulement les disciples du Seigneur Jésus. Lisons maintenant le dernier verset, Jean chapitre 8. Donc, souvenez-vous de ceci. Un sens est dans l'autre, ça ne marche pas. L'autre sens est dans l'autre encore, ça ne marche pas. Si vous êtes disciple du Seigneur Jésus, c'est impossible d'être catholique. Si vous êtes catholique, c'est impossible d'être disciple de Jésus. Parce que les deux ont des sens contraires. Ça ne peut pas aller ensemble. Soit vous mélangez dans un syncrétisme et vous essayez de convaincre votre esprit que vous êtes chrétien, sachant que vous êtes faux. Ça, c'est clair. Jean chapitre 8. Il y a plusieurs Jean, en fait. Oui. Non, il y a un Jean, deux Jean, trois Jean et Jean, maintenant, l'évangile. Jean chapitre 8. Vous y êtes? Non, il faut remonter. Ah, c'est ça, je me disais. Oui. Ah oui, là. Jean chapitre 8, verset 30 et 31. Ça va nous intéresser. Parce que lui, il y a les paroles de Jésus. C'est encore en rouge, n'est-ce pas? Voilà. Quand c'est en rouge comme ça, ça te plaît déjà, non? C'est Jésus qui se parle. 31. 30 d'abord. 30. Comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crurent en lui. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Oui. Si vous demeurez dans ma parole, oui. Vous êtes vraiment mes disciples. Oui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui l'a dit? Jésus. Jésus a dit, je répète encore. Il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc ceux qui avaient fait le premier pas, ils avaient cru en lui. La deuxième chose, après avoir cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, alors réellement vous êtes mes disciples. Et quand vous allez demeurer dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et ça va vous affranchir. Voilà donc ceux qui appartiennent à Jésus. Mais si vous voulez fermer la Bible, être chez catholique, rester un peu d'enfant Jésus et Marie, sachez que Jésus ne vous connaît pas. Donc ce serait bien de dire ça aux gens comme ça, clairement. Donc si vous êtes catholique, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous utilisez seulement l'usurpation. Vous êtes comme un oiseau qui essaie de tenter de faire comme s'il était un canard. Donc, soit vous êtes catholique, soit vous êtes disciple du Seigneur Jésus. Dieu merci pour ce mot aussi, pour ce mot dans la Bible. Vous êtes vraiment mes disciples. Si s'il avait dit vous êtes des chrétiens, alors les gens devraient dire non, je suis chrétien catholique. Il n'y a pas de disciple catholique. C'est disciple de Jésus. C'est lui seul. Il n'y a pas de disciple de Marie dans la Bible. Disciple de Jésus. Vous êtes vraiment mes disciples. Il a dit mes disciples. Dans Actes chapitre 1, il a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit qu'on sera témoin de Marie. Vous serez mes témoins. Donc, on est témoin de Jésus. On n'est pas témoin de l'Église catholique. On n'est pas témoin de. On est témoin de Jésus. On est disciple de Jésus. Alors, je choisis dans quel camp vous êtes. Donc, sachez que dès aujourd'hui, vous mettez le pied encore à la messe pour faire cela. Sachez que, un, vous êtes des petits sorciers et sorcières qui participent à la sorcellerie, la grande sorcellerie de l'Église. On a vu ça aujourd'hui. La grande Babylone. Et vous allez consommer le péché. Vous allez frapper par les fléaux qui seront frappés là-bas. Et donc, vous allez être entraîné comme ça à l'initiation catholique. De magie blanche, magie rouge, magie noire, pour participer à la perversion qui se passe sur la terre. La repentance est. Etienne, tu as des questions? Est-ce que tu as des questions, des éclaircissements? Il a passé une sale table aujourd'hui. Tu as un grand nom apparemment. Etienne. Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses? C'est vrai? Claire? Une fois à la messe, c'est ce qu'on lit. C'est ce non, qu'on lit. Vous n'avez jamais lu ça, n'essaie pas de détourner. Mais c'est la Bible, on pose la Bible. Il y a plusieurs Bibles, Jéhovah ont leur Bible. Même si elle pose, il n'y a pas de problème. On lit les passages qu'on veut. Vous allez chez le marabout, il dépose la Bible de côté, il fait les courriers. Les courriers qu'il fait là, la Bible qui est à côté contredit cela. Donc on ne dit pas que la Bible n'entre pas dans l'Église catholique. D'accord? Donc la Bible est là, c'est la pratique de la Bible dont il est question. Quand les gens vont dans les motels, dans les hôtels, on met le préservatif quelque part avec la Bible de côté. Les gens viennent, ils prennent la Bible, ils mettent ça sous le lit, ils utilisent le préservatif. Donc ça ne veut pas dire que le livre ou la chambre est chrétienne. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on en fait avec ce qui est écrit dans là-dedans. Jésus veut qu'on marche, il va lui dire, si vous voulez marcher avec Jésus, c'est comme ça, tout droit. Il n'y a pas, si vous passez comme ça, c'est le serpent qui fait comme ça. Vous voyez, le serpent ne va pas tout droit. Il va comme ça, puis il va comme ça. Jésus n'a pas le symbole du serpent, il va tout droit. Donc, avec Jésus, c'est 100% ou rien. Oui. Si vous sentez que... Oui, Moi, je me sens, j'ai envie. Oui. J'ai envie d'être disciple. Je suis disciple de Jésus. Il faut commencer par le commencement. Voilà, je vais être baptisé. La première chose, donc, maintenant, c'est après, quand on va quitter ici, tu vas dans ta chambre, tu te repens. Après, maintenant, tu prends tes habits, on va à la main, je te baptise. Ce sera terminé. Là, maintenant, tu es disciple du Seigneur Jésus. Les prochains jours, je vais t'enseigner maintenant à observer ce que le Seigneur a prescrit. Ce sera terminé. Voilà. Après ça, pour notre sœur. Après ça, pour notre sœur. Vous avez applaudi pourquoi? Non, ne t'inquiète pas, après ça, il n'y a pas de problème. On est là pour 4 jours, non? Oui. Combien de jours? C'est combien? C'est 4. 4 jours, on a le temps. On a pris la première partie. Donc, va confronter Marie, la mère de Jésus, quelque part. Ça sera fait ce soir. Voilà, tu finis avec elle. Tu demandes pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as manqué d'adresse. Il n'y a pas que la Vierge, il y a encore Saint-Antoine. Antoine, c'est qui encore, maman? C'est mon père, Saint-Antoine de Padoue à la maison. Oh. Anna, tu es catholique ou bien tu es... Je te donne. Tu es catholique ou tu es chrétien? Maintenant, je te promets que... Hein? Tu ne peux pas le donner, c'est ça. Tu ne peux pas donner... Je peux pas... Non, tu ne peux pas donner le poison. Tu ne peux pas voir que ce verre est empoisonné. Tu ne peux pas lui donner quelque chose qui la maintient. Mais parce qu'elle est l'élève de Saint-Antoine. Non, qu'elle ne pas chercher. Attends, vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui. Tu es catholique? Non, j'ai dit tu es catholique ou chrétienne. J'attendais sa réponse. Même si elle est bouddhiste ou tout ce que tu veux, tu peux pas encourager un truc. En tout cas, tu ne dois pas y participer. Non, mais moi, j'en ai deux. Je vais les casser. Il faut les jeter. Ok. Donc, tu vas les casser. Si tu veux casser, tu viens, je flash ça, je filme ça pour que je vois Antoine de Padoue, c'est de Padoue là. Tiens, je te connais pas. Je ne le connais pas, je suis sûr. Tu veux que je te l'amène, on le casse ensemble? Oui, on le casse ensemble. Il n'y a pas de problème, l'amène, on le casse. S'il y a des photos de Marie ou bien des photos de Jésus, là, on brûle avec les chapelets, tu comprends? J'ai des chapelets. Et même les bagues de Marie avec Marie, l'Église catholique, là, il faut enlever, tu divorces. Il n'y a pas de bagues. Ouais, c'est fort, là. Non, oui, il a des alliances. Il y a des gens qui ont les bagues avec Marie et Joseph. Quand ils font comme ça, ça brille, c'est Joseph. Quand ils font comme ça brille, c'est Jésus. Vous ne connaissez pas? Non, On n'est pas arrivé là-bas. On n'est pas non plus. En tout cas, vous étiez fiancés. Il fallait maintenant être mariés. Non, on n'était même pas fiancés. On était en train d'une petite relation. On était en relation. On n'était pas sûrs. En tout cas, on se dit rendez-vous. Donc, quand vous voulez, où la masseur, où choisir l'endroit, on va brûler. Je filme cela en témoignage. Et on va à la mer. C'est pas de quel côté la mer de Salis. Elle est là. Dès qu'on sort ici. Toujours. On va aller baptiser. Avant de le faire, je vais vous montrer comment je baptise avec mon épouse. Comme ça, vous allez voir. D'accord? En tout cas, le baptême, je crois qu'on a vu ici tout à l'heure dans cette encyclopédie ici. Qui a ce temps-là? La soutane peut faire. Non, il peut prendre n'importe quelle robe. Même là où elle peut se baptiser avec cela. Tu n'as pas besoin de parrain. Tu n'as pas besoin de carte de baptême. Parce qu'on ne fait pas ça pour enrôler les gens sur la terre. Non, non, mais moi j'ai déjà été baptisée. Oui. Ça, c'est mon choix, c'est ma décision. Amen. C'est un baptême pour que moi pour je commencer. Prenne un nouveau chemin. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est tout. Que Dieu te bénisse. J'ai pas besoin. Alors, s'il y a plus de questions, je prie pour clore cette première session. Et tiens, voici c'est baptisé, non, mais clair. Je veux l'écouter parce qu'il est en train de murmurer. Oui. D'accord. Il dit qu'on est venu toucher ton église catholique. Non, non, c'est donne la graine claire, dans des baptisés. On avait versé l'eau sur la tête comme ça, non? D'où baptiser, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, moi pas baptisé, aussi, à l'âge de 8 ans, c'est moi qui ai demandé à être baptisé. Regardez, le baptême, c'est comme ça, on doit vous plonger dans l'eau. Si on ne vous a pas plongé dans l'eau, vous n'êtes pas baptisé. Oui, c'est ce que la Bible dit. Et Jean, c'est comme Baptiste a fait à Jésus, c'est ça qu'on doit faire. C'est pour ça qu'on a fait. Immerger dans l'eau, là. Après, donc, si vous êtes chaud, le jour qu'on part, on part ensemble, on vous baptise. Vous soyez une fois pour toutes en règle avec Dieu. Vous commencez à lire votre Bible pour savoir ce que Dieu veut de vous. Moi, je serai baptisé. Ouais. Moi, je travaille. Le problème, ça doit être avec quel homme je travaille. Non, ça dépend de toi. Quand tu es prête, tu me dis. Moi, je suis prête. Je vais aller juste chercher mes seins. On va les casser et on va baptiser. Ok, il est quelle heure? On peut aller. Baptisé, Wazen, comme ça. Mais oui, je vais me repentir. Non, mais quand j'aurai cassé, je me repentis tous les jours. Repentance par rapport à tout ça. Je vais casser. Mais oui. Oui. Mais oui. Quand tu le fais, tu apportes le Seigneur, on casse, on va aller. Oui, je me repens de. Mais moi, tous les jours, on me couchait, je me repens. Maintenant, il n'y avait que ça qui sont au Kamam. Je pense que pour se repentir, il faut savoir déjà pourquoi tu te repens. Quand le Seigneur va te visiter maintenant, tu vas voir maintenant, quand tu vas ouvrir la Bible, tu vas voir que ça, la Bible n'est pas une peine, c'est une plus lourde. Tu vas voir maintenant que le Seigneur va te conduire lui-même. D'accord? Et la prière donc, ne sera plus comme des fardeaux, un bon corvée. Ça sera bah, une relation. Plaisir, c'est ça que Jésus est venu faire. Le Jésus, notre Seigneur, est venu créer une relation entre l'homme et Dieu. Les religions sont venues mettre des barrières et des embûches comme des tunnels, des labyrinthes pour pouvoir trouver Dieu. Dans le tunnel de la religion, quand tu y entres, tu en sortis, la probabilité c'est 1 sur 10 000 pour pouvoir trouver là où Dieu se trouve. Quand tu entres dans le tunnel de la religion, d'accord? Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Tu te baptises quand? Moi, c'est quand il a décidé. Non, je suis libre. Si tu es prêt maintenant, tu peux faire ce que tu as fait. Madame a dit qu'il faut que j'aille me repentir. J'y vais tout de suite alors. Oui, absolument. Vous avez Claire, combien de nyan, que tu n'as que ce le qui, quelle soirée à Salé. Que Dieu vous bénisse. Nyan, Marie, Nyan, Saint, Nekti, Def, signe de croix. La Bible, Santane, vous avez dit que vous avez dit. Si vous avez dit que vous avez dit, fu nek balu yalla ak rek dem ba nga bal ma ci li